Culture. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sylvie Gilbert va nous mettre en forme dans sa chronique Activez votre santé. Et on formera des dettes en achetant des gadgets dans Sexy, si ça devrait prendre là. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 25 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On était embarrés à l'extérieur de notre propre bureau, tu sais. De ton bureau. Mon bureau, en effet. Mais ouais, c'est... J'étais quand même pogné dehors. Ça fait comme des pierres à feu, tu sais, quand tu bûches dans la porte, puis que le chat est là, puis il te regarde, ben, je peux rien faire pour toi. Si on avait un chat assez fou, il ferait ça. Je suis sûr que ce serait vraiment bête. Ah ouais, tu penses? Il me semble que oui. Tu serais blasé de la vie. Blasé de la vie, c'est ça. Genre, je suis tanné, personne me connaît, personne chat. Me flatte. Ouais, c'est ça, c'est pareil comme mon chat. T'es quand même blasé. C'est vrai, ça. Bref, bienvenue à Assemblage requis. C'est l'émission du matin, c'est fou. Oui. Oui, oui. Ça existe, oui, oui. Donc, on est ensemble jusqu'à 9h30. Tout à l'heure, on va avoir Cindy Gilbert qui va être là pour sa chronique Activez votre santé. Mm-hmm. On va faire du sexe, mais ça devrait répondre là pendant pas mal un bon bout de temps à l'émission. C'est un bon programme. C'est bien parce qu'on n'a pas Frédéric Bernard et Crackpot TV tantôt. Dommage, mais au moins on remplace par du bon stock. Ben c'est ça, on va s'acheter plus d'affaires, c'est plus de dettes. Mm-hmm. C'est à la place de s'acheter des coffrets DVD ou Blu-ray, on va s'acheter des gadgets à 2, 3, 15, 20 piastres chaque, plus shipping. Ça double prix. Fait, plus le US. Oui, plus la conversion en dollars canadiens. J'ai pensé à ça récemment. J'étais comme, je vais m'acheter comme, tu sais, pas que je l'aurais fait, mais probablement que je l'aurais fait éventuellement. Acheter la montre à Apple. Puis mm-hmm. je me suis dit, ah, tu sais, 350$ pour débuter, c'est le modèle sportif avec un bracelet de plastique. C'est US. Fait que c'est comme 450-500$. Je te dirais que plus la conversion fait très mal ces temps-ci. Vraiment, c'est pas le moment pour acheter une montre. Non. Fait que hier, ils ont révélé la nouvelle Pebble Time. T'sais, j'avais une Pebble avant, je l'avais vendu pour acheter la Apple Watch. Ils ont sorti un nouveau modèle couleur. Il me tente. 180$, c'est pas mal moins pire. Eh, Seigneur. Pas mal moins pire. Mais, Seigneur, je suis de même. Ouais, mais attends, tu vas pouvoir acheter la montre d'Apple quand le dollar va. Ouais, un jour, c'est ça. Là. On verra quand, tu sais. Ouais. C'est déjà arrivé. Ah, peut-être. On écoute une pièce, ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu. Voici Bigfoot de Brother Octopus sur 89.fm. Last night, although no one believes me, we'll be right back. His only weakness is lava. I heard he ate Lady Gaga. Probably killed Osama. C'était Bigfoot par Brother Octopus. Gros pied. Gros pied, frère Pierre. C'est comme les frères d'encre, mais leur dérivé, ce serait les fièvres. Les pierres fièvres. Frère pieuvre. Les pierres fièvres. Les pierres fèvres. Les fières. Fières pierres. Fèvres. Ils peuvent faire des œufs. Sur frère Dan, on peut faire des œufs. Ouais, exactement. Toujours Assemblage Rocky, c'est le moment d'acheter des gadgets ridicules sur Internet. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas là. Moment de sortir la carte de crédit ou autre façon de paiement, Apple Pay et autres trucs comme que ça. Que c'est ça? Que c'est ça? Commençons avec un petit chargeur. La plupart des chargeurs de portables, de laptop, présentement, sont très très gros. Hein? Donc, essayer de charger un laptop en utilisant ça, ben c'est pas pratique. Hein? Donc, arrive le Zolt, qui est un petit chargeur de laptop exactement de la bonne grandeur pour ne pas avoir à transporter un gros chargeur quand vous êtes sur la route ou en voyage. Donc, le Zolt, c'est le plus petit, le plus léger chargeur de laptop, capable de diffuser 70 watts de courant, malgré sa petite grandeur. Et ça ne dit pas exactement en centimètres la grandeur, mais on voit la prise qui se branche dans le mur sur le bout. Donc, c'est à peine un petit peu plus long qu'un... que les petits tubes d'électricité pour votre téléphone cellulaire aussi, là, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, 80$ environ américain, et ça, avec la conversion, 100$ canadien. C'est un cinquième de plus, hein, c'est 20% plus cher. Juste ça. C'est plus que les taxes de plus à payer, ça. Ensuite, celui-là, tiens, des boutons qui contrôlent vos appareils iOS et Android. C'est des petits boutons de la grosseur du bouton Home sur votre iPhone ou du bouton Caméra sur votre téléphone. Donc, c'est Satoshi qui a révélé ces boutons Bluetooth qui permettent de contrôler vos appareils à distance sans avoir à toucher donc à votre appareil. À la série de boutons, il y a un bouton BT Media qui contrôle le volume, avancer, reculer, play, pause pour la musique et les vidéos. T'as le BT Shutter Button, qui est un bouton pour accéder à la caméra ou à débuter un enregistrement vidéo. Et t'as le BT Home Button qui vous donne l'accès rapide à peut-être Siri sur vos appareils iOS. Les autres assistants numériques, ça ira sur les autres marques sans avoir à toucher à votre téléphone. Parfait, entre autres, quand vous conduisez. Vous pourriez juste appuyer sur le bouton et faire ce que vous voulez. Donc, c'est des boutons d'aluminium qui viennent avec un truc porte-clés et un petit autocollant 3M pour l'attacher sur votre tableau de bord, sur votre table de travail, n'importe où ailleurs. Avec une batterie CR2016, ça, c'est une batterie de montre et ça dure jusqu'à 2 ans. Ça, c'est fort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 2 ans, c'est cool. Donc, BT Home, BT Shutter qui sont disponibles pour 25$ et le BT Media pour 30$. La série est sur satechi.net, S-A-T-E-C-H-I.net. C'est cool, ça? Très cool. Ouais. Sauf le nom de la compagnie, là, Satechi.net. Peter Satechi. Satechi mauvais, là. C'est archi mauvais. Alors, ensuite, c'est une ceinture maintenant qui sait si elle doit se serrer ou se desserrer, basée sur vos données de fitness. Pour savoir, dans le fond, pour que votre ceinture vous fasse exactement parfaitement. Franchement. C'est la Belty. Ça a l'air un petit peu stupide comme ça. Donc, c'est un appareil portatif, portable, un peu comme des wearables, montres et autres, colliers, bagues et trucs comme ça. Donc, c'est une ceinture intelligente avec auto-adaptabilité qui va ajouter la ceinture automatiquement dépendant de ce que vous faites. Donc, vous n'aurez pas à la serrer ou la desserrer entre deux activités. Par exemple, vous lever pour travailler ou faire quelque chose accroupi par terre. C'est des fois que tu te sens mal un peu, ta ceinture est trop serrée quand tu t'accroupis par terre, ça arrive. Belty a aussi une capacité de tracking de votre santé qui fonctionne avec votre téléphone cellulaire pour les statistiques de votre poids, etc. Donc, Belty qui devrait sortir avant la fin de 2015. Ceinture en cuir, touche le plus classique, mais avec un module au bout, au milieu, là où est la tâche. Et des trucs électroniques sont là-dedans. Je me demande si, et c'est pas précisé dans l'article, mais si tu peux changer probablement la ceinture, parce qu'il y a l'air d'avoir une fente dans le milieu de la machine, du milieu. Ben et, sûrement pas. Peut-être c'est ça qui fait qu'elle allonge, qu'elle raccourcit. Ouais, j'avoue, t'as raison. C'est pas discret, hein? Pas super discret, non. C'est même énorme, et probablement quand vous vous penchez, ce qui va vous faire mal, c'est pas la ceinture, c'est le gadget dans votre pédale. Tellement. C'est ça. Ensuite, c'est pour ceux qui veulent transporter leur bouteille de vin. On a déjà parlé de gadgets similaires, on a parlé de sacoches, entre autres, qui faisaient ça. On a parlé d'un paquet de systèmes pour transporter de l'alcool, mais ici, c'est un bout de plastique en forme de bouteille, si on veut, avec un bouchon, et ça tient une bouteille de vin au complet à l'intérieur de ce sac-là qu'on peut replier et rouler. Bon, en fait, il est rectangulaire, mais avec comme le contenant à l'intérieur est comme en forme de bouteille. Une silhouette, presque. Wow. Une silhouette de vin. Donc c'est des wine to go, c'est des sacs réutilisables, flexibles et complètement portables. On appelle ça des genres de flasques si on veut. Et puis on peut mettre une bouteille au complet de vin et plier ça lorsqu'on en a plus de vin, quand on remet ça dans sa sacoche par exemple. Pratique, fait de plastique sans BPA, ça contient 750 ml avec un bouchon à l'épreuve des fuites. C'est parfait pour le camping, peut-être les parties de sport où tu fais du tailgating avec un barbecue, les événements sportifs en général, les concerts, les parties, la promenade. Tous les endroits où t'as pas le droit d'amener des bouteilles de verre, c'est déjà. Ça, au cinéma, peut-être. Au cinéma? Ça va paraître un peu, ça. Ouais, c'est quand même gros. Des quartiers de sécurité, quand même. Gros. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc, Wine to Go, c'est le nom du produit WINE2GO, et ça coûte environ 12$ sur Amazon en ce moment. Ensuite, c'est la collection anti-paparazzi. On a déjà parlé de quelques affaires anti-paparazzi, que ce soit des lunettes de soleil ou des casquettes qui masquaient votre visage des caméras. Et bien maintenant, c'est une collection de vêtements anti-paparazzi. T'as le petit jacket, un genre de veston, un foulard et un petit manteau à hoodie, genre. Donc vous êtes peut-être pas aussi populaire que les vedettes, mais quand même peut-être que vous voulez vous faire protéger des gens qui vous prendraient en photo. Donc la collection complète du créateur Chris Holmes va remplir votre garde-robe de ces vêtements-là. Ça utilise du tissu qui reflète la lumière des caméras, ce qui gâche donc les photos en le faisant. Que ce soit une caméra numérique qu'une caméra de téléphone, vous allez être protégé. Spécial, hein? Ouais, un peu, hein, c'est à peine spécial. Mais bon, tu sais, en plus, on voit comme ça crée un genre d'effet lumineux sur ton vêtement et le reste de ta face a l'air d'être comme un petit peu sombre et ça fait des petits spots de lumière sur les côtés. C'est un peu bizarre comme effet. Ensuite, ouais. Ensuite, tu sais, quand vous buvez votre alcool dans un verre, mettons, vous prenez de la vodka pure, là, vous jouez au beer pong, peut-être. Sinon, avec des verres. Au vodka pong. Au vodka pong, comme j'aime faire. Dans mes temps libres. Et puis, quand même, vous voulez transporter des verres de pièce en pièce, puis vous avez pas assez de mains pour les tenir. Tu sais, c'est mou quand même, les verres rouges. Ouais. Ça tient mal en main. Tu peux pas en prendre deux dans la même main non plus. Vraiment impossible. Pas. Donc, il te faut ces poignées-là. C'est des poignées à verre rouge. Mathilde, je dis à verre rouge, c'est le nom commun pour les verres de plastique mou. Ouais, qu'on voit partout. C'est ça, tu sais. Même si en fond des solides, on avait déjà parlé dans une précédente chronique. Mais bon. Donc, tu mets ta poignée après ça, ça devient vraiment comme une tasse. Si on veut, et tu peux en transporter plusieurs dans une pièce. Ah. Beaucoup plus facile d'amener la bière à tout le monde en même temps. C'est des Endless Cup, un cup holder, donc un soutien verre avec une slot dans la poignée pour pouvoir empiler un verre par-dessus. Donc tu vas avoir ton truc à poignée, ton verre, et t'empiles un autre verre. Genre. Tu pourrais juste en mettre plein côte à côte dans ta main. Probablement aussi. Parce que sinon, si les gens avec qui tu es sont pas dédaigneux ou sont déjà très sous, tu peux les prendre par le dessus avec tes doigts les verres, donc tu peux en amener beaucoup plus, ben, c'est-à-dire 5. Ouais. Ok, tu as l'expérience là-dedans. 5 verres. Ben, un par doigt. Oui. Comment tu vas amener les autres dans ta main? T'as raison. À une minute pour gagner, mettons. Ouais. T'aurais pu en transporter combien? T'aurais misé, mettons, sur peut-être plus que 5, mettons. Là. Peut-être en foufler le 7e, peut-être. Un 6e, ben, c'est sûr, 10 avec mes deux mains. Minimum, ouais. Est-ce que j'ai le droit de me servir d'autres membres de mon corps? Ouais. Le défi, c'est d'amener le plus possible, mettons, dans deux minutes pour gagner. Je peux en rajouter deux dans ma bouche. T'as une espèce de maillet teint blond qui crie après comme « Une minute pour gagner! » Ouais. Ouais, mais il me donne de l'argent, je le laisse crier. C'est vrai, maillet pareil. Quand il y a cette mission-là, il a l'air de maillet. Désolé. Ben, en fait, il devrait juste arrêter de se bleacher les cheveux. C'est ça le principe du bleachage. Déjà, il y aurait l'air moins maillé. On n'est plus des années comme 90 avec Anne 5, mettons. Genre Justin. Faisait ça, t'sais. Ah ouais, c'était beau. Bref, 10$ pour ces poignées-là. Bon. sur Kickstarter en ce moment. Ensuite, c'est... votre lampe, vous trouvez que ça... non, non, ça, c'est bizarre. Votre chambre à coucher ne ressemble pas assez à une pâtisserie, mettons. OK? Donc, tu trouves... Tu sais, déjà, tu t'es installé un petit comptoir avec des rouleaux à pâte partout, tu sais. T'as de la farine partout, saupoudrée sur ton lit à place des pétales de, des pétales de rose. Maintenant, je pensais que c'était des pétales de rose. Des pétales de rose. Donc, tu veux améliorer encore plus ta chambre pour que ça ait l'air encore plus de ton rêve de devenir pâtissier. Donc, tu remplaces ta lampe par des lampes Real Bread Lamps. On dirait des baguettes de pain, mais c'est des lampes. C'est n'importe quoi! De savoureuses mie de pain illuminées de l'intérieur qui émettent une lumière douce et chaude, parfaite pour créer un environnement romantique. Peut-être dans la cuisine, mettons, tu sais, tu te casses une baguette de pain au beurre, puis ta lampe dans le milieu de la table à la place d'une chandelle. C'est une baguette de pain. Je sais pas, hein? Ouais, mais moi, je vais tenter de la manger. Ou de mettre du beurre dessus. Ou les deux. Ah, et ça, pour la bagatelle qu'on pourrait dire de 723,48$. Tu niaises? Ou encore 900$ canadiens. Tu niaises, là, sérieusement? Ben, je te niaise pas pantoute, en fait. Mon Dieu, n'importe qui fait de la poterie peut te... C'est pampshade.com, le site. Wow! Disponible en anglais et en japonais. C'est magnifique. Ah, ensuite, ta bouilloire, Steph. Tu m'as déjà raconté que ta bouilloire est vraiment impressionnante. Dis-moi en plus. Hein? Elle est belle, elle fait de la lumière. Moi, c'est ça, t'as la lumière qui change selon son degré... son degré de température. Oui. Puis c'est super beau. Puis là, tu peux choisir ton degré numérique. Puis ça choisit la couleur qui va être le degré numérique. C'est ça. Puis quand c'est chaud, ça reste chaud. Ben oui. Pendant une demi-heure. Mais as-tu Wi-Fi? Oui. Ouais, ouais. Puis Bluetooth, ouais, ouais. Non, non, Wi-Fi, t'as pas ça, donc tu perds automatiquement. Donc, c'est une théière, une cafetière. Je compétitionnais pas, là. Non, c'est ça, y a personne qui gagne là-dedans, en fait. Y a juste ceux qui l'achètent qui perdent. Donc, c'est une cafetière. Ben, pas une cafetière, c'est ça, c'est une kettle, donc une bouilloire, finalement. Le mot, c'est une bouilloire. Ben, ouais. C'est ça le mot. Donc, Wi-Fi est parfait pour faire votre café quand vous vous réveillez ou quand vous revenez de la maison. Le iKettle vient avec une poignée de caoutchouc, hein. Un bec filtré, une fonction pour s'auto-éteindre avec protection du boil dry. Donc, c'est quand tu fais trop bouillir tellement que ça fait tout sécher l'eau à l'intérieur puis qu'il reste plus rien puis ça continue de bouillir. Puis c'est pas bon pour votre bouilloire. Donc, facile à nettoyer grâce à un filtre qu'on peut enlever. iKettle fonctionne sur Android 4.0 Plus et iOS 7 Plus. Donc, plus d'informations sur assemblagerequis.com, mais en gros, c'est une bouilloire que vous pouvez remplir d'eau à distance. Ben, pas à distance, parce que l'eau, elle va se remplir par vous-même dans votre robinet. On n'est pas rendu là. Elle ne pas à distance. On n'est pas rendu là, ce serait le fun, ouais. Ça. Ouais. Pour vrai. Ça devrait être fait. Il devrait y avoir un splitter de conduit d'eau, puis que tu puisses le mettre dans ta bouilloire. En tout cas. Tellement. Mais dans ton téléphone cellulaire, tu vas pouvoir commander je veux faire bouillir maintenant l'eau, là. Maintenant. Bloom! T'sais, avant de partir de chez vous, mettons, t'es à 5 minutes de distance, blablabla, t'sais, t'arrives, ton eau est chaude, tu fais un thé, puis mon gars. Faut être vraiment apprécié de boire son thé. Mais. Vraiment, mais si t'as envie d'un thé maintenant parce que ta journée a pas bien été. Ouais, mais de toute façon, le temps que t'arrives chez vous, faut que tu mettes ton thé dans ta théière. Fait que ça, c'est le temps que ton eau bouille, ça. Puis que ça fasse le principe de, ouais. Ouais. De, ouais, du thé. Mm. Du thé qui se fait. T'as pas tort là-dessus, t'as pas vraiment tort. Ensuite, c'est une alternative aux emballages plastiques réutilisables. C'est le Bees Wrap. Tu connais tous les produits faits par Bird's Bees, je pense, les baumes à lèvres, les trucs comme ça qui sont faits avec de la cire d'abeille. Il y en a en épicerie un peu, c'est bien à la mode en ce moment pour les gens qui sont un peu plus granos. Là. Donc, si vous êtes tenu d'acheter et ensuite de jeter vos emballages plastiques, c'est Bees Wrap. Naturel, réutilisable, une alternative aux emballages plastiques normaux, fabriqué à la main au Vermont. C'est fait de coton mousselin organique, biologique, donc avec de la cire d'abeille antibactérienne et un enveloppage botanique. Donc c'est comme un tissu qui va se former autour de la nourriture pour la garder bien au frais. Et ça va faire un seau, donc ça va sceller par-dessus un bol en utilisant la chaleur de tes mains pour le faire coller là. Et quand t'as terminé, c'est facile de laver ça à la main et réutiliser ça encore et encore sans jamais gaspiller. Vous pouvez voir la petite vidéo qui vous montre comment ça fonctionne, mais c'est vraiment un morceau simili-tissu, si on veut. Et ça colle comme du saran wrap collerait sur vos bols. C'est cool. Et de la cire d'abeille, c'est vraiment le fun. C'est vraiment fun. Très, très cool. Mais je me demande si ça n'a pas une durée de vie... Sûrement. Probablement qu'après X nombre de lavages... Peut-être même la durée de temps, peut-être que ça devient sec, puis ça s'effrite. C'est comme de la microfibre, à un moment donné, après, je pense que c'est comme, mettons, 300 lavages, ça n'a plus le même effet. Genre. Fait qu'il doit avoir une certaine limite quand même à quelque part. Absolument. C'est un ensemble de deux, un grand et un moyen, pour 17$ américains ou 21$ canadiens, en ce moment sur gardeners.com pour les jardiniers. Et puis, c'est donc Be The Wrap. Très cool. Très, très cool. Ensuite, un combo. on entre dans du matériel un petit peu plus osé pour nos auditeurs plus ou moins avertis. C'est une queue de Pikachu qui est aussi un butt plug. Un butt plug de Pikachu. Donc, c'est le Pokémon Pikachu Tail and Butt Plug. Disponible chez Epic Tales. Ça coûte 90$ américains ou 112$ canadiens. Ça inclut pas le bandeau, par contre, il faut l'ajouter, le bandeau Pikachu avec les petites oreilles qui ressortent. Non, c'est littéralement une grosse queue jaune en forme d'éclair. Qu'on s'insère, vous savez où? La puteux! 21 pouces de long, ça c'est 53,3 cm. 15,5 pouces à son plus large, 39,4 cm. avec un tout ça très très solide, en forme d'éclair, bien sûr, en tissu, de haute qualité. Et voilà. Spécial. Ça doit être pesant, par exemple. Ça doit être tiré sur le péteux. C'est vrai. T'as raison. Bref, vous allez rendre vos amis jaloux, c'est certain. Ensuite, quand vous faites du vélo, même si récemment, j'ai posté sur Facebook que je me trouvais bien original, mais je savais pas que... Il a l'air d'être là depuis un bout, mais il y a un gars qui faisait de l'unicycle quand je suis sorti de l'université hier. Dans la rue. Ouais, j'ai vu ça. Ben, pas dans la rue, mais sur Facebook. Sur Facebook. Donc, il faisait de l'unicycle sur le boulevard des Récollets. Ça revenait avec son unicycle dans les mains pour traverser la rue. Après, il arrive au coin et il commence à faire l'unicycle. C'est pas de main, c'est genre que si quelqu'un te frappe, et non, même que je pense que je devrais dire quand quelqu'un te frappera, plus que si quelqu'un te frappe. quand quelqu'un te frappera, tu vas voler en titi, tu sais, parce que t'as moins de contrôle, je trouve. Mais bon, t'sais, si t'es habitué, j'imagine que c'est un professionnel, peut-être un clown sans emploi. Tu te fais frapper à 50 km/h, là. Une ou deux roues, t'en revoles. Tout à fait. Fait que tant qu'à ça, c'est bien revolé comme du monde, t'sais. C'est ça. Avec une culbute impressionnante et un atterrissage parfait. Les applaudissements des confettis. C'est exact. Bref, on parlait donc des gens qui font du vélo. Lui, le gars en unicycle n'aura pas besoin de ce gadget-là parce que c'est des poignées de vélo, un guidon. Ben, pas un guidon parce que le guidon, c'est l'ensemble au complet, je pense, mais juste les poignées intelligentes. Les Smart Grips, mais sans le A. Donc, SMRT Grips. Ajoutez un petit peu d'intelligence électronique à votre appareil à deux roues avec les Smart Grips Connected Bike. Grips, c'est fait pour fonctionner sur les sur à peu près tous les vélos, que ce soit standard ou lockering. Je connais absolument pas ces termes-là, mais je suis pas un professionnel de vélo. Là. Ça va améliorer votre expérience, nous dit-on, avec la technologie haptique qui permet d'avoir des directions, donc dans le fond, du turn-by-turn, un peu comme un GPS, sans enlever vos yeux de la route. Et il y a du Bluetooth qui va vous permettre de localiser votre vélo. Il y a aussi des alertes de séparation. Si vous êtes trop loin avec votre téléphone cellulaire, vous êtes trop loin de votre vélo, ça va vous le dire. Si, mettons, vous avez oublié votre vélo à quelque part, je sais pas. Ça se peut que tu le parques puis t'ailles à quelque part. C'est ça. Tu sors le soir, tu bois, tu oublies que t'es en vélo, quelqu'un te ramène. Hey, fudge mon vélo. Donc, ça peut arriver. c'était l'épreuve de l'eau. J'espère bien. Ben, des poignées de vélo, sérieux. Et ça se fie sur une batterie rechargeable, une pile rechargeable, qui fonctionne jusqu'à 3 mois sur une seule charge. Et vous n'avez pas besoin de sortir votre câble USB très, très souvent pour la charger. Donc voilà, c'est des poignées de vélo Smart Grips Connected Bike Grips. Pourquoi pas. On va terminer là-dessus. On va prendre une petite pause, Lily, sur assemblagerequis.com en passant pour ceux que ça peut intéresser. J'espère que ça vous intéresse, tellement le fun. Ben oui, puis sûr qu'on va avoir le temps plus tard dans l'émission pour en faire un autre bloc de gadgets inutiles. Petite pause au retour, c'est Cindy Gilbert et la chronique Activer votre santé. À son âge. Excentricité. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Tout le monde clappe des mains en ondes, là, en studio, c'est tellement le fun, sauf Steph, là. Rabat-joie un peu. clap, clap, clap, clap. Non. Non, j'embarque pas là-dedans. C'est le moment, le mercredi aux deux semaines, décaler de faire. Tantôt, on parle gadget, puis on était là, puis tu sais, il y a des boutons là-dessus, tu sais. Fait que là, on va flipper la switch. On va partir le bouton pour activer notre santé. Salut, c'est DJ Bar. Hey, salut! Ça va bien? Ben oui, vous autres? Oui, toi. Oui, tellement. Ah. Je me mets en forme avec tes quatre demain. Ben oui! Nous autres, on tape des mains le temps que Steph fasse des plumes. Je me déchevelle. Je me dépoile. T'es vraiment une poulette à matin pour t'as des plumes comme ça. Poulette. Poulette. Oh, Seigneur, tellement mon genre. Poulette. Poulette. Donc, c'est DJ Bar. Activez votre santé. On fait ça aux deux semaines et on se met en forme un petit peu. En tout cas, on apprend pourquoi on devrait se mettre en forme. Oui. Pour quelles raisons on devrait peut-être s'activer un peu. Voilà. Ouais. À toutes les deux semaines. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben là, la semaine passée, hein, je vous ai attaqué avec un vif sujet qui est tellement long qu'on pourrait faire 10 semaines en ligne là-dessus. Là. Mm-hmm. Je viens terminer ce sujet-là étant donné que, tu sais, je regardais mes feuilles là, puis il m'en restait une dizaine à passer. Okay. C'est un sujet que j'avais quand même résumé. Là. Ouais. Alors, on a parlé de l'obésité. On continue dans l'obésité cette semaine. Cool. On a parlé un peu la semaine dernière. On était rendu à jaser des causes de l'obésité. On continue sur les causes cette semaine. On a vu la semaine, ben là, deux semaines, là, que la principale cause était toujours la problématique de manger plus que qu'est-ce qu'on dépense. Ouais. Ça reste là. Ça changera jamais. Ça changera jamais. C'est juste la vérité. C'est un fait. Ouais. Ça nous est mis dans la face. Avez-vous vu le show avec Jean-Marc Parent? Non. Oh, c'est tellement bon, faut regarder ça. Faut regarder ça. On m'en a parlé un peu. Ouais. Avec de son régime? Oui, oui, c'est tellement drôle. Puis il dit la réponse est claire. Tu manges trop. Puis c'est vrai par rapport à ce qu'on dépense, c'est vrai. Il y a d'autres choses, par exemple, aussi. On a vu la semaine dernière que par rapport à notre âge, oui. Plus qu'on prend de l'âge à partir de 25 ans, plus que notre métabolisme de repos ralentit et moins qu'on brûle les calories. On a vu aussi que par rapport au sexe, bon, c'est sûr que là, c'est pas juste, là, mais les femmes, par rapport à les hommes, on brûle moins de calories. Hein, parce que vous, ben, si je regarde, Mathieu, t'as une plus grande masse musculaire que moi. En général, ça paraît pas parce que c'est pas très fort, c'est ça. C'est relatif. Plus mais du gras que du muscle. Mais il reste que, un humain homme a une plus grande masse musculaire qu'un humain femme, règle générale. On parle en moyenne, donc il va brûler plus de calories au repos aussi. Il y a le facteur stress qui peut jouer beaucoup aussi sur la perte ou la prise de poids et les habitudes de société en général aussi. Fait que ça, c'est toutes des causes de l'obésité, mais il y en a d'autres aussi. Fait que là, je vous rentre dedans ce matin avec d'autres causes. Puis là, ce que je trouve le fun aussi, là, c'est que je vais prendre le temps de vous parler de ce qui se passe dans nos mécanismes de faim. T'sais, on parle beaucoup là, de l'apport de calories. On parle de « oui, je mange trop ». Souvent, c'est la problématique. Des fois, la problématique va être à l'inverse. Je mange pas assez, fait que le corps est en mode panique. Puis là, il se dit « mon Dieu, il faut que je garde mes graisses, il faut que je garde mes réserves ». Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de notre sentiment de faim et notre sentiment de satiété qui sont deux trucs complètement inverses? Puis ce qui va faire jouer beaucoup au niveau de la prise de poids ou au niveau du fait que les gens essaient de perdre du poids mais ont de la difficulté. Fait que là, je vais vous parler de ce qui se passe dans notre corps quand on a faim. OK. Il y a plein d'affaires. Ça se passe en tout temps, tu veux oui, dire. Ben, en tout temps. En tout temps, t'as toujours faim. Non, c'est pas vrai. Mais il faut savoir écouter les signaux aussi. Hein? Puis c'est ça qui est difficile. Puis on se le fait tout le temps dire, « Ah, oh, mais fais juste écouter ta faim. Ça va être facile, écoute c'est ta faim. » C'est facile à dire qu'à et faire. C'est là. Dur écouter c'est sa faim. Comme écoute ton cœur. Oui, c'est ça. C'est bien beau, mais... Oui, il y a ça prend un stéthoscope. C'est évident. Il y a de l'interférence des fois, puis c'est difficile. Fait que là, ce matin, je me dis, si on peut en jaser un petit peu, essayer de comprendre, puis de mettre des mots sur des trucs, ça peut nous aider après à apprendre à écouter notre faim, mais c'est tout un processus, hein? C'est pas si facile que ça. Au niveau des signaux de la faim, on a des facteurs biologiques, c'est des facteurs qu'on a à l'intérieur de nous, des facteurs psychocomportementaux et des facteurs socioculturels. Moi, j'aime ça sortir des beaux mots de même, là. J'ai l'air super intelligente, puis après ça, je vous l'explique pour vous simplifier tout ça. Pour les marrons. Ben oui, c'est ça. Moi. Ben non, mais Ben non. Arrête de descendre, ben même. Oui. Ben oui. Ah, moi, c'était ben oui pour les marrons. Ben oui, les marrons. Il y a de l'amour dans ce bureau-là. dans les facteurs biologiques, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on a faim? Premièrement, ben là, quand on a faim, règle générale, ça peut faire un petit bout de temps qu'on a mangé. Ouais. Tu sais, sur règle générale. l'estomac qui se trouve à être vide, tu sais, il n'est pas juste vide, tu sais, on a faim, puis c'est un phénomène mécanisme, il y a beaucoup un phénomène hormonal là-dedans aussi. Ça, c'est un autre affaire qu'on dit, ah, c'est un dérèglement des hormones. On l'entend, ça, mais quelle hormone qui rentre en ligne de compte? Quand on a l'estomac vide, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une hormone qui va être sécrétée, puis le nom de l'hormone, c'est la ghreline. C'est de sa faute. Ghreline? La ghreline. Hein, on dirait un nom c'est de beau, madame, ouais. Un nom de ma tante. C'est Aline. Ghreline, oui, oui. Comme Jocelyne. Ma tante Aline. Ouais. Puis c'est cette hormone-là qui envoie un signal à notre cerveau qui dit « on a faim, il est temps qu'on mange ». Pourquoi qu'elle existe, cette hormone-là? Ben si on recule... Pour pas mourir. Ben voilà, voilà, c'est de la survie. Hein. Si on recule de, bon, des milliers d'années, là, c'est où il n'y avait pas de maison, là, puis de restaurant, puis toute l'affaire. Là. Ben tu sais, en gros, cette hormone-là existait quand même. Hein. Puis là, ça disait, ben lâche ton bout de bois, puis t'es prêt de jouer avec, puis va brouter de l'herbe. En gros, c'est le rôle de la ghreline. Lâche la broute, puis va sur la croûte, comme on dit. Aussi. C'est ce qu'on disait dans le temps. Oui, tu disais ça, toi. Lâche la broute, va sur la croûte. Ah. Tout le monde disait ça, c'était bien la main. Oui, dans le temps qu'on voyait tout en noir et blanc, hein, je m'en rappelle. C'est hashtag va sur la croûte, on disait ça. Fait que ça, c'est une hormone qui existait, qui existe toujours pour nous permettre de survivre. Nous permettre de dire, ben gars, là, t'as faim, faut peut-être te nourrir. C'est un des trucs qui se passe à l'intérieur de notre corps dans les facteurs biologiques, mais il y a autre chose aussi. Quand ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas mangé, automatiquement, on n'a pas mangé de sucre, là, il va y avoir une baisse de glycémie dans notre sang. La baisse de glycémie dans le sang va envoyer aussi un signal à notre cerveau qui va dire, bon, ben let's go, il est temps que tu aies été nourri. Encore un mécanisme de survie. Mm-hmm. Fait que c'est deux signaux qui sont biologiques, qui nous envoient un signal vraiment à dire, ben regarde, t'as faim, là. C'est là, là, puis c'est pas juste entre tes deux oreilles, là, il y a des signaux qui se transmettent. Fait que ça, c'est un des trucs qui font en sorte qu'il nous ouvre l'appétit, qui dit qu'on a faim. Mais il y a autre chose aussi. Facteur psycho-comportemental. Ça, en gros, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre... entre nos deux oreilles, mais notre perception de ce qui nous entoure. T'sais, en gros, les cinq sens. Là. Bon, je me promène, mettons, dans la rue, puis par hasard, j'ai une chocolaterie qui me saute dessus. Par hasard. Là, soudainement, t'as faim. Oui, oui, puis tu sais, j'ai mangé, ça fait pas si longtemps que ça, mais là, oups, je me mets à avoir faim. Qu'est-ce qui se passe? Bien, les signaux au niveau de nos cinq sens, hein, autant la vue, on voit la nourriture, autant l'odeur qui nous envoie aussi un signal qu'on se dit... Tu sais, c'est un signal, c'est pas juste mental, là. On va se mettre à produire plus de salive, on va avoir plus... Oui, juste un seul filet de salive. Oui, oui, on va être capable d'avaler notre gorgée de bave, pas baver, hein. Mais, tu sais, c'est quand même quelque chose qui va se passer. Puis là, oui, on va se mettre à ressentir la faim aussi, juste en contact avec les aliments ou avec l'odeur ou d'où aussi les maudites publicités à télé. Ah. Tu sais, c'est chez vous, t'es en sécurité, là. T'es dans ton salon, là. Sur mon propre terrain. Ben oui, pas de danger que tu croises de chocolaterie ou de restaurant de fast-food, mais là, ils te montrent ça, puis ça vient encore, tu sais, sécréter les mêmes effets. La pourtant, fumée. Tu viens de manger, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, on saute. Ben ça, c'est l'avantage des décodeurs qui enregistrent. Tu peux passer des annonces avec tes voix plus. Mon Dieu, oui, vraiment, vraiment. Ou tu peux le regarder au ralenti aussi, si tu veux. Au ralenti. Ben, le action replay de la boulette de bœuf. Oui, ou tu fais des jumping jacks en même temps. Tu tournes dos au téléviseur pendant l'annonce. Oui. Puis tu fais des jumping jacks. Des tourne-dos, tu dis? Des côtes levées. Puis tu sais, on parlait des cinq sens, là, mais tu sais, il y a même là juste toi, là, avec ce que tu viens de faire, là. Tu viens de nous ouvrir l'appétit. C'est que le matin, là, le matin, quand j'arrive, tu sais, je pars comme à 7h14 de chez nous. T'sais. J'arrive à moins une de l'émission. Puis je passe à côté du Subway qui est en train de faire son pain exactement à cette heure-là. Puis t'as pas déjeuné. Et j'ai pas déjeuné à chaque jour. Ah, oh, mon Dieu. Déjà pas déjeuné, hein. Moi, je sais pas comment tu fais. Parce que je suis levé comme 20 minutes avant l'heure que je dois partir. Pour si vous saviez comment. Moi aussi. Je fais vraiment dur. Tu sais, mettre son cadran non, mais 10 minutes plus tôt pour se starter une toast dans le toaster. Non. Ouais, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de manger. J'ai dormi 10 minutes de plus. Je le regarde avec ses yeux-là. Soin. Non, il n'y a même pas le temps. C'est de la mauvaise foi. Ben oui, oh, regarde, c'est vraiment... Tu auras plus d'énergie. Ouais, mais je me prends 2 minutes pour tout. Voilà. Bon, ça, c'était parenthèse. Fais-toi une toast le matin. Ouais. Et aussi, on parlait des facteurs qui vont faire en sorte qu'on va avoir plus faim. Les facteurs socio-culturels. Bon, ça, c'est ce qui se passe dans notre société. C'est, dans la société dans laquelle on vit, mais aussi dans le milieu dans lequel on vit. Des habitudes alimentaires qu'on va prendre ou des comportements qu'on va prendre. T'sais, exemple, si on vit puis on travaille dans le domaine du mannequinat. Attends, on est mannequin. on le sait, faut pas manger beaucoup, on le sait, tu sais, il y a un jugement porté autour de tout ça. Ça, ça va faire en sorte que nos comportements vont être différents. Mm-hmm. À l'inverse, les lutteurs sumo, qui doivent accumuler plus de graisse pour être plus pesants, pour mettre leur ennemi au sol, ben eux, ils vont adopter d'autres comportements. Fait que c'est sûr que par rapport à la faim, il y a toute la société aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que tu sais, la faim, il y a les facteurs biologiques avec toutes les hormones qui se passent entre notre cerveau et tout ça. Il y a les facteurs psychocomportementaux. On passe devant une pizzeria, on a le goût de manger, et on a les facteurs aussi de la société dans laquelle on vit. Mmh. Tout ça va faire en sorte que notre appétit peut être augmenté. À l'inverse, les signaux de sensation de satiété. Les signaux qui vont nous envoyer, là, de notre cerveau, qui va dire, ben, go, t'as plus faim. Par exemple, on vient de manger un repas. Tu sais, l'estomac, il va être chargé, il va prendre l'expansion. L'estomac en tant que tel va aussi sécréter une hormone qui va envoyer le signal au cerveau qu'on n'a plus faim. Et le nom de cette hormone-là est la leptine. Une bonne petite soupe, là. Ça oui. donne faim pour une soupe leptine, ça. Ah, leptine. Oh, mon Dieu. Non. Mes yeux fondent. Ah! Mais la leptine, tu sais, c'est encore une hormone qui va jouer sur la sensation de satiété, mais ça prend du temps. Ça prend quand même un certain temps. On peut entendre souvent parler, dire, ben, gars, ça prend 20 minutes avant que le cerveau reçoit le signal qu'il n'y a plus faim. Tu sais, on mange, puis on se dit, il faut manger lentement. Mais ben, c'est vrai, le truc, il est là. Si tu manges rapidement, on dit, prends le temps de manger. Si tu manges rapidement, ben, tu sais, des fois, ça peut prendre 5, 10 minutes à avaler un sandwich sur le coin d'une table. Et le signal qui va être envoyé à ton cerveau peut prendre 20 minutes. Ben là, tu peux te dire, ben, j'ai encore faim. Fait que tu vas manger autre chose. Puis tu vas manger autre chose jusqu'à temps que là, tu sois vraiment. Ton estomac te dit c'est assez. Mais si tu prends le temps d'écouter les signaux de satiété qui t'envoient à ton cerveau, ça peut prendre 20 minutes. Fait qu'il faut manger lentement pour pouvoir justement avoir le temps de capter cette hormone-là. Fait que tu sais, d'où, là. Puis moi, la première, hein, tu sais, prendre le temps de déposer la fourchette. Tu sais, moi aussi. Je veux là, de la misère. Veux... Ah, c'est moi, je mange vite. Hein. C'est difficile. Ah, puis juste lent, le fait. Mais je suis lent, vous le savez, je suis lent dans tout. Hein. Ah, bon, ouais, fait que. Regarde, ça peut être un avantage aussi de moi, en même ça. Temps. Moi, c'est ça. Souvent, les gens disent « Ah, oh, je m'excuse, je mange pas vite. » Ben non, ah, excuse-toi pas. Profite de la vie, c'est le fun. On aime ça manger, là. Fait que prenons le temps de manger. Puis plus long, tu sais, plus de temps que tu prends, ben moins que tu vas absorber de calories, en général. Non, souvent, je cligne des yeux, j'ai fini mon souper. Ouais, c'est ça. J'avais tellement hâte de le manger, puis j'étais dans l'une, le temps de le manger, puis on recommence. Ça fait de cligner les yeux, puis il en apparaît sur un autre. Fait que ça peut être un des signaux, l'hormone leptine. Aussi, au niveau de la glycémie, c'est sûr qu'on vient de manger, on a plus de sucre dans le sang, l'augmentation de la glycémie va nous dire aussi, va nous envoyer un signal qui va dire aussi on n'a plus faim. Fait que ça, c'est au niveau des sensations de satiété, à l'inverse des sensations de la faim. Fait que c'est ce qui se passe dans notre corps quand on a faim, quand on n'a plus faim. Fait que tu sais, dire écouter les signaux, c'est prendre le temps de manger lentement. Prendre le temps de voir est-ce qu'on a faim ou si on a soif. Mm-hmm. Tu sais, des fois, tu dis, t'as l'impression que t'as faim. Parce que des fois, on a de la difficulté à faire la différence avec si c'est de la faim ou si c'est de la soif. Prendre le temps d'écouter, est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce qu'on essaie de remplir le temps. Oui, ouais. C'est ça. Fait que tu sais, ça fait toute partie d'écouter de la faim, mais c'est un gros apprentissage. Ça prend du temps, puis on sait qu'il faut manger plus lentement, mais c'est difficile à faire aussi. Ouais. Dans donc, si on pense qu'on a faim, des fois, ça peut être bien de juste prendre un grand verre d'eau. Oui, puis... oui, oui. Puis donner le temps au verre d'eau aussi de faire son effet. Y a-t-il 20 minutes pour le verre d'eau aussi? Je ne sais pas s'il y a 20 minutes pour le verre d'eau. Je ne sais pas parce que l'estomac va quand même se remplir rapidement. Ouais. Fait que peut-être. Ça peut prendre 20 minutes aussi parce que tu as l'expansion. Mm. C'est le temps que ça se rende au cerveau. C'est long, 20 minutes, quand tu te dis que tu as faim. Oui, hein? Oui, vraiment. Ou quand tu vas aller nager. Oui. Aussi. Une demi-heure, ça, je pense, après avoir bu un verre d'eau. Pas deux heures. Ben, tu sais, dans le genre, encore là, si tu t'en vas à piscine puis que tu peux mettre tes pieds dans le fond de l'eau, là, c'est pas vraiment problématique. Là. C'est plus si tu t'en vas nager en haute mer puis que tu viens de manger. Tu vas mourir, ouais. C'est ça. Là, t'es plus en danger. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer au moment de la prise de poids? Tu sais, quelqu'un qui va prendre du poids par rapport aux hormones de la faim, aux hormones de la satiété. Plus qu'on va... C'est une roue qui tourne, hein? Plus qu'on va manger, plus que notre estomac va avoir une grande capacité, plus qu'il va... Tu sais, ça grossit, hein, ça prend de l'espace, l'estomac aussi. Plus qu'il va devenir résistant à l'hormone de leptine. Ça va y prendre plus de temps avant de dire « Oup, OK, là, je suis rassasié. » Fait que oui, il y a l'estomac qui se distance, mais oui aussi, il y a la réaction de « On est plus résistant à l'hormone de leptine. » Fait que ça aussi, c'est encore hormonal. On dit « Oh, c'est hormonal. » Oui, c'est hormonal. Ça peut devenir hormonal suite à nos habitudes de vie, suite au fait qu'on mange trop. Fait que ça peut être un des trucs. L'autre chose qui peut arriver aussi, quand on consomme trop de gras saturés, tu sais, les gras saturés, c'est des mauvais gras en soi, on devient encore plus résistant à la leptine. Encore ça même fait chose. Ça fait une couche dans le fond de l'estomac de gras. Ouais, c'est ça. C'est le téflon de ton corps. C'est comme quand tu beurres un moule, là, ça empêche de coller. Ça fait la même chose avec l'estomac. Si ça pourrait empêcher la graisse de coller, on aimerait ça, mais c'est pas le cas. Faudrait manger du gras pour ça. Ouais, ça serait bizarre. Ouais, ça serait bizarre. Fait que c'est pour ça, c'est pour ça qu'il arrive finalement. C'est pas ça, non, on l'a pas, là. Fait que plus qu'on mange du gras, plus qu'on a le goût de manger du gras, ça, déjà en partant, puis plus qu'on devient résistant aussi à l'hormone de leptine. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mangeons moins de gras, puis là, on parle des mauvais gras, là. Les bons gras qui sont dans les mois, ça, c'est parfait. La résistance à cette hormone-là, est-ce que c'est réversible? Oui, ça peut être réversible, mais ça peut prendre du temps. OK. Ouais. Mais on n'est pas fini, là. C'est ça. Ben non, t'es pas fini parce que tu peux diminuer ta consommation de gras, mais il faut sortir de ce servicieux-là. Mm-hmm. C'est la même chose aussi au niveau de la consommation des sucres rapides. Qu'est-ce qu'on parle, confiserie, chocolat et tout ça, ça fait augmenter drastiquement notre glycémie, tu sais, le taux de sucre dans le sang, mm-hmm. qui va faire baisser drastiquement le taux de sucre dans le sang après quelques minutes. Puis là, ça va nous envoyer un signal de faim. On dirait, let's go, t'as faim. Puis quand t'es normal, t'aurais pas aussi faim que ça. OK. Fait qu'encore une fois, la consommation des sucres, la consommation des gras, c'est encore une roue qui tourne qui fait en sorte qu'on peut prendre du poids. Parce mm-hmm. qu'on a le goût d'en manger plus et là, jusqu'à mort, s'en suivre. Ben parce que tu sais, l'obésité, on sait, hein, ça peut causer la mort. Ouais, hein. C'est plate, c'est pas drôle, dans le fond. Puis à l'inverse, au niveau de l'anorexie, tu sais, je parle beaucoup d'obésité qui se trouve être une maladie en soi, mais l'anorexie est une autre maladie aussi. Dans les deux cas, c'est aussi problématique et c'est aussi mortel. Mm-hmm. Le fait de se priver de manger, à l'inverse, on va augmenter la résistance à la ghrelin. Ah, OK. Fait qu'on va avoir moins faim. Tu sais, notre corps va recevoir moins les signaux qu'on a faim. Fait que, tu sais, le mécanisme de survie, il diminue là, à ce moment-là. Et il y a aussi un autre hormone, la sérotonine. La sérotonine qui se trouve à apporter une certaine hyperactivité chez les gens qui sont sous-alimentés. Fait que ça viendra engendrer une plus grande perte de calories aussi. Puis là, on parle pas de « yes sir, je mange moins, yes sir, je suis plus actif ». Non, non, non, on parle de « on est sur le bord de la mort ». Là. On est tu sais, c'est la famine rendue là. Ouais, là. Ouais. C'est dangereux là, en soi. Et aussi, ce qui est intéressant au niveau de l'anorexie, les personnes qui souffrent de cette maladie-là vont sécréter plus d'endorphines. Tu sais, l'endorphine, ah ouais. Là, c'est l'hormone qui nous procure du plaisir, du bonheur. Le sentiment de jeûne apporterait 10 fois plus d'endorphines chez les gens qui sont anorexiques. Fait que ils éprouveraient une sensation de bonheur à ce jeûne-là. Fait que ça devient fou, là, ça devient... Fait que tu sais, quand on dit qu'il faut sortir l'anorexie, là, tu sais, des fois, on regarde quelqu'un d'anorexie, tu dis, c'est facile. Va-t'en au buffet chinois, on vient de régler ça. Mais c'est quand même quelque chose de difficilement concevable pour quelqu'un à l'opposé, là, tu dis, comment, t'as juste à manger, c'est facile. Non, c'est pas facile. Ça fait penser, il y avait une émission, je me souviens plus à quel poste, c'était poids-plume contre poids-lourd. Oui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il jumelait une personne qui mangeait pas assez avec quelqu'un qui mangeait trop. Et disons que ça confrontait un peu leur vision des choses, ouais. Puis je pense que c'était intéressant. Tu sais, les personnes obèses ont l'impression que c'est facile pour les personnes anorexiques à dire, ben regarde, t'as juste à manger puis mm-hmm. tu peux régler ton problème. Puis de l'autre côté, les personnes anorexiques, ils disent, ben ouais, mais t'as juste à pas manger tout ça. Ça, eux autres trouvent ça horrible. Ils ont chacun leur perception de... Les gens, t'as juste à pas être en dépression. Ah, ben c'est facile. Voyons donc. Facile. Ben ouais. Sois heureux. T'as juste à te lever le matin et être heureux. J'aime pas les Je suis un peu un Jean. Non, vous êtes tous pas des gens. Ah, OK, bon, parfait. On n'est pas du monde, nous autres. Fait que tout ça, là, regarde, j'ai passé quasiment 15 minutes à vous parler de ça, mais c'est intéressant. Mm-hmm. Moi, regarde, il y a tout un mécanisme en arrière de ça, au niveau de la faim, au niveau de la société. Fait que, tu sais, c'est un apprentissage. Puis ça, si jamais vous dites, ben moi, je sais pas trop comment faire pour m'aligner avec ça, ben allez voir une nutritionniste. Elle va vous aider, sa job, c'est de vous aider à apprendre à connaître ces signaux-là aussi. Là. Fait que c'est, voilà. Mmh. Fait que allez tous voir un nutritionniste. Bon, c'est moins inclusivement, on aime ça. C'est ça. On apprend. 8-1-9, dans les autres habitudes aussi de vie qui peuvent faire en sorte qu'on prend du poids, les habitudes de sommeil. Ah, bon, ça, c'est tellement... Puis là, il y a de plus en plus d'études qui sont faites là-dessus. Là, on sait que, bon, ce qui est recommandé, c'est de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Mmh. Ça, c'est la recommandation. Encore là, c'est facile à dire, go, dors bien. C'est ça. C'est un autre processus. Ouais, ouais. Encore 5 à 6 heures, ça, t'as dit? 7 à 8 heures. Ah. Ceux qui vont dormir de 9 à 10 heures, on va les appeler les grands dormeurs. La problématique avec eux, c'est que, ben garde, 9 à 10 heures sur 24 heures dans une journée, que t'es complètement inactif. Tu couches à quelle heure pour dormir 9 à 10 heures? Voyons, non? Oui, mais il y en a que qu'ils vont avoir besoin de ça. Là. Besoin parce que c'est un besoin qu'on se crée aussi. Hein? C'est encore un service. Oui, parce que plus qu'on dort, plus qu'on veut dormir. Mais plus qu'on est inactif pendant cette période-là, fait que c'est sûr qu'on va brûler moins de calories. Ça, déjà en partant pour les grands dormeurs. Pour les petits dormeurs, ceux qui vont dormir 5-6 heures par semaine, qu'est-ce qui se passe dans par le corps? Soir. Par soir. Oh mon Dieu! Par... Je suis pas encore rendu là. Par semaine? Non. Par nuit. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là peuvent être portées à prendre du poids? Mais là, encore là, plein d'études qui ont été faites là-dessus. Il y a plusieurs affaires. La sensation de la faim va être augmentée quand on dort pas assez, via encore les hormones qu'on a vues, l'hormone ghrelin qui va être augmentée, puis là encore là, c'est une moyenne sur une population qui a été faite dans plusieurs études, là, augmentée de 28 %. Quand on va avoir 28 % plus faim si on dort moins. Ça, encore là, c'est hormonal. Au niveau de la satiété, au niveau de la leptine, c'est diminué de 18 %. Fait que, on se dit même au niveau hormonal, le fait de dormir moins, ça va jouer sur nos hormones. Et bien sûr, fait que ça, c'est sûr qu'on va être porté à manger plus, à avoir plus faim, donc se nourrir plus, donc absorber plus de calories. Fait qu'on rentre encore dans l'histoire de l'apport de calories. Mais le sommeil va jouer beaucoup sur l'apport qu'on va avoir parce qu'on va avoir plus faim. Du côté aussi de l'activité physique, t'es plus fatigué, tu vas être moins porté, peut-être pas moins porté à aller t'entraîner. Si c'est ta journée que tu t'es dit, bon, ben aujourd'hui, je vais aller m'entraîner une heure, ça se peut que tu le gardes à ton horaire pareil, tu dis trois fois par semaine, une heure, je vais m'entraîner quand même. Mais dans toute la journée, tous tes micro-gestes que tu vas faire, tu vas être moins actif dans ta journée, tu vas être plus fatigué, plus amorphe, tu vas brûler moins de calories dans ta même journée parce que tu dors moins, ton corps, il va être en mode économie d'effort. Fait que, tu sais, au niveau des dormeurs, c'est là qu'on se dit qu'il faut dormir de 7 à 8 heures par semaine pour bien récupérer, pour avoir moins faim, pour avoir plus d'énergie, pour bouger dans notre journée. Fait que ça, c'est une des prédispositions vraiment importantes. Au niveau de la génétique, on parle souvent la génétique. Moi, c'est dans ma génétique. Ça, c'est mes gènes qui font en sorte que... j'ai des gros os. J'ai des gros os. Oui. Les os, là, c'est un petit pourcentage du poids de notre corps. Mais c'est tellement une belle défaite. Oui. Mais tu dis bien même La bédaine, c'est pas des os. C'est là. Ça. Si t'as des gros os, ben, tu vas les voir juste plus si t'es mince. Hein? Fait que ça sera pas le gras qu'on va voir plus. Mais au niveau de la génétique, c'est sûr qu'il y a des prédispositions. S'il y a deux parents qui sont obèses, il y a 33 % plus de chances d'être obèse, nous aussi. Encore la même chose au niveau de la génétique. Il peut avoir, tu peux naître avec une absence de production de la leptine. T'en produis moins. Fait que t'as plus souvent faim, encore une fois. Ça, au niveau de la génétique, ça peut exister. Certains débalancements d'hormones aussi peuvent exister, mais souvent, c'est pas ça la problématique. Moi, ça doit être plus rare. La problématique, c'est plutôt au niveau de... On imite ce que nos parents font. Alors, t'sais, on reproduit ce que nos parents font. Ils bougent pas beaucoup, on bouge pas beaucoup. On mange ce que nos parents vont nous donner. T'sais, on rembarque dans le même moule. Et peut être parent ou copain-copine aussi. Aussi. Fait que, mais copain-copine, on parle plus de quelque chose de société. Génétique, c'est vraiment le bagage qu'on va avoir. Fait que, c'est sûr que tu as la programmation fœtale aussi là, qui peut jouer en ligne de compte. Si la mère est obèse durant sa grossesse, le bébé va avoir plus de nutriments pendant parce qu'il aussi va manger ce que la mère va absorber aussi. Puis il va avoir deux fois plus de chances de devenir obèse plus tard. Fait que tu as une prédisposition quand même au niveau génétique, mais règle générale, c'est dans les habitudes de vie. Tu peux avoir une prédisposition génétique, mais tu changes tes habitudes de vie par rapport à ce que tes parents t'ont enseigné. Et non, tu ne seras pas nécessairement obèse. Fait que, c'est de là la grosse problématique. C'est pas une fatalité. Là. Non, c'est fatality. Ça. Ouais. Mais oui, génétiquement parlant, tu peux être porté à prendre plus de poids que ton voisin à côté avec la même alimentation, avec le même niveau d'activité physique. Ça, c'est un fait. Après là, c'est toi qui as le choix d'aller manger au restaurant. Tu contrôles ta propre destinée. Ta propre destinée. J'ai le contrôle de mon destin. Les yeux lui tournent en studio en ce moment. Là, elle nous hypnotise. Puis aussi, les antécédents de diète sévère. Tous ceux qui ont déjà... trop de gens, moi inclusivement. Tu sais, les diètes, tu dis, hey, ça, je vais essayer ça, ça a l'air que ça marche, puis tu te prives au maximum pendant une certaine... C'est sûr, tu manges pas. Ben oui, puis là, ton corps, il se met en mode panique, et là, ce qui va arriver, c'est que suite à une diète sévère, encore une fois, les mêmes hormones qu'on a parlé, l'hormone ghrelin va augmenter. tu vas avoir plus faim suite à une... Puis tu sais, pas juste pendant une semaine de temps, là, tu vas avoir un bout de temps que ton corps, il va dire, là, tu m'as mis en mode réserve, en mode panique, en mode survie. Il t'envoie des signaux pour t'aider à survivre. T'as faim. Fait que tu sais, oui, il y a le côté que tu capotes parce que tu t'es privé, puis t'as le côté psychologique qui dit, là, c'est assez, puis j'ai le goût de manger, je me suis privé. Mais t'as ton débalancement d'hormones qui joue contre toi aussi à ce niveau-là. Fait que tu sais, d'où là, pourquoi on fait une diète sévère, on stresse notre corps au maximum, puis règle générale, après, on le reprend parce que c'est difficile à maintenir ça toute sa vie. C'est pas difficile, sévère. C'est impossible. Ben, c'est impossible. Carrément. Vois-tu, dernièrement, à l'émission Maigrir pour gagner, là, avec Chantal Lacroix puis Jimmy Sivigny, la nutritionniste, elle disait que 95 % des cas de diète sévère, les gens qui perdent leur poids, il y a 95 % des gens qui reprennent leur poids perdu dans les 3 ans qui suivent. On s'entend que les chiffres sont beaucoup, pas super prometteurs. Là, ben non, mais on parle de diète sévère. On parle pas de modifier lentement ses habitudes de vie. Hein. Fait que, tu sais, tout ça pour en venir à la formule magique, là. La formule magique pour dire on réussit là, à atteindre nos objectifs et à les maintenir. Ceux qui ont réussi dans leur... puis encore là, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Là. Ceux qui ont réussi à maintenir leur poids. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour maintenir leur poids? Bien, premièrement, ils ont continué à bouger tous les jours. Puis, tu sais, tous les jours, là, ça veut dire bouger 1 heure par jour. Ça veut-tu dire d'aller au gym 1 heure par jour? Pas nécessairement. Ça veut dire de bouger. On est un corps humain, on est fait pour bouger, à aller prendre une marche sur l'heure du midi, aller au travail en vélo, peu importe. Bouger 1 heure par jour. Ouais, pourquoi pas? Oui, en unicycle aussi. Ben oui. Ça, c'est de toute beauté. C'est bon pour le tronc. Le tronc. Ceux qui ont des bonnes habitudes de sommeil aussi, ils vont avoir une meilleure possibilité de garder ça à plus long terme. Ceux qui vont avoir coupé progressivement leurs calories absorbées. T'sais, c'est sûr que ce qui est recommandé, c'est de diminuer de 500 calories par jour. Ce qu'on, une diète normale qu'on va avoir pour pouvoir baisser lentement 500 calories par jour, ça fait 3500 calories par semaine. On se dit 1 livre de graisse par semaine. Ceux qui perdent plus, là, tant mieux, c'est correct. Vous n'êtes pas en danger de mort au moment où vous perdez plus qu'une ou 2 livres par semaine, mais vous êtes en danger de peut-être le reprendre plus facilement parce que toutes les diètes miracles où ce qu'on perd 10 livres par semaine, ce qu'on a changé comme habitude là-dedans, ça peut devenir problématique. On parle pas des 10 premières livres de la première semaine que là, on dégonfle et tout ça. Là. On parle de perdre 50 livres en 1 mois. Puis qu'après ça, on se dit, bon, ben yes, j'ai fini, j'ai atteint mon objectif. Non, non, t'as toute ta vie après, là. Tu sais, tu peux avoir 40 ans, là, puis tu te dis, bon, ben là, pendant 1 an de temps, je mets le paquet, je fais... Là, tu perds 100 livres, t'es rendu à 41 ans, t'as atteint ton objectif. Ben, à 41 ans, là, faut que tu les gardes, ces habitudes de vie-là. C'est ça qui est problématique. C'est du moment de dire, bon, ben j'ai atteint mon objectif, je retourne en arrière. D'où le pourquoi dire, il faut y aller progressivement. Pour changer nos habitudes de vie progressivement, réapprendre à écouter notre faim, réapprendre à mieux s'alimenter, réapprendre à bouger tous les jours, réapprendre à bien dormir, réapprendre à gérer notre stress, c'est un long apprentissage. Fait que les gens qui sont pressés à perdre du poids puis qui visent les diètes mirantes, c'est là le 95 % de taux d'échec de notre société qui va avoir tout rapidement et facilement. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour de... Hey, c'était encore une fois beaucoup de matériel, Gréline dit Gilbert. Fait que Gréline et leptine, c'est les deux mots du jour. Ouais. Donc, mais c'est quoi maigrir pour gagner? Oui. De Chantal Lacroix? Oui. Elle s'est dit, genre, qui pas gagne, ça marche bien, on va trouver un synonyme. Oui. Puis on va appeler ça exactement pareil. Oui, puis c'est le même principe, mais il y a une affaire que j'aime beaucoup, par exemple, c'est contrairement à l'émission Qui part gagne, il y a seulement 5 minutes de l'émission qui est consacrée à la balance. Ah, ça c'est vrai. Bravo, bravo. Moi, j'aimerais qu'on enlève l'histoire des gens. Oui, c'est le quoi que je trouve long dans cette émission-là. Ben, en même temps, c'est la romance que les gens aiment écouter à la télé pour ça se dépend distraire. C'est un peu le love story. Quand c'est pertinent, ça vient nous chercher aussi, puis ça nous montre, OK, je suis pas toute seule à vivre ça chez moi. Ouais. Le pourquoi. Ce que, j'aime aussi de cette émission-là, c'est que c'est pas juste le plus petit pourcentage de poids qui va gagner. C'est si t'es dans ton poids santé, que tu le maintiens, tu peux gagner, mais il considère aussi la forme physique, la santé en général. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un tout. Fait que c'est pas juste plus tu maigris, plus t'as de chances de gagner, ils vont au-delà de ça aussi. Fait que je trouve qu'ils ont pris cette formule-là, mais ils l'ont réadaptée de façon humaine. Formidable. Oui, humaine. Voilà. Merci, Grenady. Ah, ben ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. C'est dit Gilbert aux deux semaines pour activer votre santé. C'est les mercredis à 8h. Yeah. Bonne journée. Bye. On doit la laisser partir, filer comme non! ça. Comme une étoile filante dans le ciel de la destinée. Je suis maître de ma propre destinée. Je suis maître de ma propre... T'es-tu rentré dans le secte, toi, dernièrement? Oui. Ah, on prend une pause au retour. Plus de gadgets dans Ça existe ou ça ne devrait pas, on l'a. Et d'autres affaires. C'est ça. Bon, ben voilà. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes à Assemblage requis en ce mercredi matin 25 février, les Stéphanie Paradis. Mathieu Plante. C'est lui. Chef. Non. Ouais. Dans quelques instants, on va continuer avec d'autres gadgets. Mm-hmm. Ça va être cool, mais on n'a pas entendu de musique depuis, je te dirais, le tout début de l'émission. C'est vrai. Fait qu'on va écouter Lubic. Voici l'essence, parce que l'essence même de l'émission, c'est le contenu. C'est au 89. Elle est bonne. Ça assemblage requis. On retourne s'acheter d'autres gadgets parce que Colin, ça arrête plus. On a la passe facile dans le slot de la machine. C'est la slot. La slot est bien slack. Hein? Si ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. tout son enfer, c'est rentrer notre pin. Notre pin! Notre nip! C'est un jeu de mots avec la fleur. La fleur. Eh, Seigneur! Là, tu rajoutes à mon jeu de mots en disant « Eh, Seigneur! » Là, c'est pas de ma faute si tu fais ça par la K5. Donc des gadgets, ouais, passez-y. On commence avec un premier gadget dans cette chronique de 5 semaines de réponse là, avec le Narrative Clip. Tout le monde de nos jours utilise une caméra, que ce soit celle dans votre téléphone ou une caméra plus avancée, pour, disons, rendre compte, état d'âme, journal intime de votre vie. Le problème, c'est que pendant que vous prenez ces photos-là, ben, vous oubliez de peut-être savourer la vie. Vous êtes à un spectacle et vous filmez le show à la place de regarder le show. On se comprend là-dessus. Tout le monde est contre ça, mais tout le monde le fait, t'sais. Non. Ben du monde. Ben du monde. C'est pas tout le monde. Mais pas tout le monde dans le même panier. Une grande proportion de gens. Bon, bref. C'est pour ça que le Narrative Clip existe. C'est une petite caméra portative qui va automatiquement prendre quelques photos à chaque minute en utilisant une caméra à 8 mégapixels permettant de capturer la vie d'un point de vue à la première personne, point de vue que vous auriez pu rater sinon si vous aviez votre caméra dans les mains. 8 gigs d'espace pour ne pas manquer de place, Wi-Fi automatique, donc vous allez pouvoir envoyer, téléverser automatiquement vos photos sur Facebook par exemple, et il y a un GPS à l'intérieur pour s'assurer de savoir où a été prise chaque photo, et il y a le Bluetooth aussi pour utiliser votre téléphone comme télécommande quand vous voulez plus de contrôle, mais là, ça défait un petit peu le principe de ne pas avoir à utiliser un écran. Mais là, ça envoie tes photos sans que tu aies pu regarder avant si c'était pas tard. Je pense que c'est les gardes dans le 8 gig, puis après ça, si tu veux les envoyer publiquement, il va falloir que tu coches une option quelque part là-dedans. Ouais, mais quand même, c'est plate s'il l'envoie automatique. Là. Ouais, surtout si c'est à chaque minute, là, puis ça va prendre la place sur Internet. D'après moi, non. Et on s'entend, je sais pas, tu peux pas faire de focus rien, c'est juste... Une photo prise comme si tu faisais juste. Ben, c'est sur le vif. Ça va être sûrement en plein mouvement avec du flou de mouvement. Ça va être horrible. Probablement horrible, mais après ça, j'imagine que tu fais le tri. Sauf que faire du tri de ça, tu le feras jamais. Fait que. Ben non, tu ne feras jamais ça. La plupart des gens ne le feront jamais. Si on veut être plus exact. Ensuite, c'est les Monkey Bars. Laissez faire d'aller au gym, là. Le gym, là, c'est pas important, là. Les Monkey Bars sont là pour remplacer ça. C'est un outil versatile d'entraînement, léger et très portatif. Ça utilise une ligne de suspension de 18 pieds qui est à l'intérieur des poignets. Et une boucle qui va vous fournir donc une paire de poignées qu'on peut utiliser pour des exercices du haut et du bas du corps. Faire des pull-ups, des dips, des push-ups, des flies, des rows, des curls, des gallipers. Donc la chose, c'est qu'on peut utiliser donc ça virtuellement, où on peut, virtuellement n'importe où. On peut utiliser, où on peut trouver une porte, pardon, une branche d'arbre, une autre surface stable. Donc vous allez pouvoir faire votre entraînement au bureau, dans le parc ou même dans le bois. Donc à l'intérieur, il y a une tension, une barre de tension, si on veut, dans les deux barres, et tu accroches ça et tu fais tes exercices. C'est cool! C'est très bien fait. C'est les Monkey Bars, M-O-N-K-I-I. Bars. Ensuite, c'est des mitaines pour ceux qui, l'hiver, ont froid à leurs mains quand ils vont fumer dehors. Ah! Ah, j'avoue, là, ça doit être quand même assez froid pour ceux qui continuent cette habitude de vie. Arrête de fumer. Ben, c'est ça, mais t'sais, c'est ça. Oui, en effet, ça, tu peux arrêter de fumer par toi-même. C'est ça. Mais bref, ceux qui veulent pas arrêter de fumer et qui veulent se protéger du froid, ben, c'est des mitaines, pas des gants, des mitaines, avec un trou à l'intérieur, dans le milieu de la main environ. Et la cigarette passe au travers de ce trou-là, et tu vas mettre ça sur ta bouche. Et ça va, j'imagine, faire un gros cercle jaune sur tes mitaines avec le temps. Imagine l'odeur des mitaines. Ah, dégueulasse, hein? Ça... excuse, mais la fille est super belle. Oh, wow! Tu rajoutes une cigarette, le cœur me lève totalement. Vraiment. Honnête, je suis pas capable. Vraiment. Je suis pas capable. Ça enlève... Ça, une personne qui fume, moi, en général, c'est déjà, tu as une longueur de... De retard. De retard, mais vraiment longue. Ouais. Ça me dégoûte complètement. 26$ environ américain ou 32$ canadien. Et oui, en effet, probablement une des plus belles filles de la vie. L'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, c'est le calendrier des caca de chiens. Hein? Je vais directement dans le sujet, madame. OK. Ah ouais. Donc, c'est le Monday 12 2015 Dog Poop Calendar. C'est l'édition 10e anniversaire, Steph. 10e anniversaire. En plus, ça fait pas 10 ans qu'ils font ça. 10 ans. Là. Ah ben, leur slogan, je pense que t'as mis le doigt dedans, genre. C'est « Everything is dutiful in its own way ». Ah, voyons. « Dutiful » comme « do » comme « caca ». Mais moi, j'aurais dit « putiful », c'est encore plus beau comme slogan. Mais bon, donc, si vous êtes toujours à la recherche d'un calendrier pour 2015, bon, on a trouvé le calendrier pour vous. Hein. C'est le 2015 Dog Poop Calendar, bizarre, qui va faire parler les gens, c'est sûr. C'est le reste d'un calendrier bien normal, mais on vous montre vraiment un caca de chien sur un beau paysage. Donc, par exemple, ici, sur la couverture, t'as un beau paysage de forêt et de lac et de montagne reflété dans l'eau, etc. C'est super beau. Un rocher à l'avant et sur le rocher, un gros tas de marbre. Mais c'est ça. Au moins, c'est pas des gros zooms sur des cacas. C'est ça. Il y a quand même... C'est bien contextualisé. Oui. Là. T'as un environnement autour de ça. On se demande même si c'est un Photoshop, si ils ont pris les plus belles photos de calendrier puis ils ont mis un tas de marbre dessus. Mais non, je pense que ça a l'air bien fait. Tu sais, tu vois, l'ombrage est réaliste. Oui. Tout ça. Le focus est sur la bonne affaire. C'est pas trop. Mais là, ça, là, c'est gros. C'est pas un caca de chien. C'est un caca d'ours ou. Tu penses? Ben, peut-être que c'est un caca de chien, mais plusieurs par-dessus l'autre. On sait pas. Ça a peut-être été arrangé à la cuillère. On sait pas ramasser la petite cuillère. You don't know. You don't know me. Donc, le calendrier est disponible en ligne pour 15$ américains, 19$ canadiens. On continue avec un... on a parlé tantôt... de quoi est-ce qu'on a parlé qui était intelligent? Des poignées de vélo, des guidons? Tout est intelligent. Tout est intelligent de sa propre façon. Everything is beautiful. Ouais. Y'a pas une chanson de Tegan and Sarah, là? Everything is... Non, ça c'est Everything is awesome. Avec les Lego. Je sais pas. Ils ont pas fait beautiful. Donc, c'est un parapluie intelligent Kisha. Kisha qui ne vous enverra peut-être pas de notification pour vos messages textes ou rien, c'est pas ce genre d'intelligent-là. Il y a un module Bluetooth à l'intérieur qui lui permet de communiquer avec votre téléphone intelligent. Donc en sortant de chez vous le matin, si la chance de précipitation est élevée et que vous n'avez pas votre Kisha dans votre main, une notification va être envoyée à votre téléphone cellulaire à la place. Tu comprends? C'est comme le contraire. On a déjà parlé de parapluie intelligent dans les semaines précédentes, comme de quoi qu'elle allait vous dire si vous le perdiez, quelque chose comme ça. C'était pas mal tout ce que ça faisait, et je trouvais pas ça très intelligent. Ça, c'est intelligent. Si il est pour mouiller, puis t'as pas ton parapluie dans ta main, c'est puis plus logique. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Le problème, c'est qu'il faut vraiment que tu sois fusionnel avec ton téléphone pour te rendre compte de ce genre de choses-là. Et que t'aies une montre qui te donne les notifications de ton téléphone pour pas que t'oublies ton téléphone, qui te dit de pas oublier ton parapluie. C'est trop. C'est trop, mais. Sers-toi de ta tête, puis de ta mémoire, puis de ta logique. Tellement. Donc, durable comme design, avec 16 trucs de métal, des fils de métal pour tenir le tissu du parapluie. Là. Donc, des... Tel un parapluie commun, bref. C'est fait pour bien supporter les éléments à travers les années. Et voilà. Donc, 60$ américains, 75$ canadiens pour un parapluie, c'est quand même cher. Mais avec le module de notification, ça pourrait valoir la peine. Ouais, mais... Ouais, non, c'est sûr que là, il peut regarder la météo, j'allais te dire. Sinon, mais juste un petit... On a déjà parlé, juste les petites puces là, que tu peux mettre sur des objets, puis si tu les perds, ça te le dit. Ça, j'aimerais savoir. Mais là, ça va juste te dire à chaque fois que tu es loin de ton parapluie, ça va pas te dire selon les probabilités de précipitation. Ouais. Ben, donne-toi c'est ça l'avantage. Donne-toi l'habitude de vie de regarder la météo avant de partir, au pire. Moi, je le fais pas, puis je fais comme je vais gérer en temps et lieu. De toute façon, c'est pas comme si j'avais un parapluie dans la vie. C'est vrai, moi non plus. Mais tu sais, il y a des endroits dans le monde où il pleut littéralement 4 mois de suite. Genre, peut-être que ça pourrait être un petit peu plus utile. Ça. Non, tu l'amènes juste tout le temps. Ouais, tout le temps. Ben, c'est ça. Ouais. Tout dans ton sac. Voilà. Réglé. Bien dit. On règle des problèmes pour vous autres tout en vous disant comment acheter des choses. Tiens, t'as de la misère des fois à ouvrir peut-être un pot. Ça peut arriver à tout le monde dans la vie. Non, j'ai un truc infaillible. C'est quoi? Ils se vendent, là, c'est des petits carrés de caoutchouc. Là. Oui. Puis tu prends ça, je peux ouvrir n'importe quoi avec ça. C'est vrai? Oh oui. Sûrement un condom qui pourrait faire l'affaire aussi. Non, pas ça. Il n'y a pas de grippe après un condom. Non, c'est vrai. Un gant de vaisselle. Un gant de vaisselle? Un gant de vaisselle? Qui est au-dessus. Ah, peut-être, oui. Peut-être, oui. Ouais, ça coûte 1$. Mais sinon, allez-y, 11$ pour le Automatic Can Opener. Arrêtez de perdre votre temps, essayez d'ouvrir un pot de cornichons et savourer la vie et le produit à l'intérieur avec cet ouvre-can automatique qui va facilement enlever le couvercle de vos nourritures préférées tout en n'ayant pas à du tout à être utilisé avec les mains parce qu'on l'installe dessus avec sa main, là, ça va pas quand même léviter jusqu'à ton pot. Puis après ça, tu mets dessus puis ça tourne seul. Wow, hein? Moi, j'ai l'impression que ça va me prendre plus de temps installer ça sur le pot. Ouais, ça ressemble à ça. 11$ américains ou encore 14$ canadiens. Ouais, ça peut être un petit gadget intéressant. 11$, pourquoi pas? Ça fait parler le monde. Ben ouais. Ah, wow, ton pot sur tout seul. Magique. Ensuite, tiens, relaxez et buvez. Comme s'il n'y avait pas de lendemain avec l'ultime cure de désintox pour un lendemain de veille. C'est le Ultimate Hangover Cure. Donc, c'est fait maison. Non, ce n'est pas fait maison. Ceux qui sont faits maison, ça va goûter mauvais et ça ne donnera pas de résultat, nous dit la compagnie. Cette solution-là contient 3 fois les électrolytes des boissons sportives. Tu sais qu'on conseille des fois de boire des boissons sportives avec des électrolytes pour te remettre d'un lendemain de veille ou d'une gastro ou d'à peu près n'importe quoi dans la vie. C'est pas mal tout à les électrolytes qui priment surtout. Donc, il y a 3 fois les électrolytes de ça dans ce petit tube de poudre. qu'on va... Ça dit pas, en fait, c'est marqué poudre d'hydratation. Je me demande s'il faut le mélanger avec de l'eau. D'après moi, oui. Oui, sûrement. Je penserais pas que tu le sniffes avec non. une paille, t'sais. Non. Pas sûr. 10$ américains, 13$ canadiens. Un peu cher, par contre. Oui, oui. Ça dit pas... là, j'ai pas cliqué sur le lien pour savoir c'était combien qu'on te donnait de petits tubes. Sur Amazon.com, en ce moment, on dit que c'est un paquet de 4 dans une petite boîte de carton. C'est des Drip Drop ORS. C'est 2,50$ par sachet, par lendemain de veille, j'imagine, probablement. Ben non, c'est pas si pire. C'est à peu près le prix d'un Gatorade. Genre, à peu près, c'est un très bon point. Et tu l'as au citron et tu l'as au baie. Ah, oh, clairement citron. Clairement baie, j'allais dire. J'aime ça, les baies. Non, c'est dégueulasse. Allez, hey, t'as-tu goûté au Toaster Strudels au baie? C'est meilleur. Non, je mange pas ça. C'est meilleur, c'est meilleur. Bref, 2 à 3 fois l'électrolyte, 25% plus que les alternatives pédiatriques. Ensuite... on a déjà parlé de gadget pour votre boîte aux lettres, mais jamais de ce gadget-là en particulier, puis je trouve qu'il est quand même bien fait. C'est le Wireless Mailbox Alert Chime. Donc, vous avez un message, vous avez du courrier, hein? C'est un peu ce que ça va vous dire. C'est le Smart Home Select Wireless Mailbox Reminder and Mail Alert System, le nom complet. C'est un appareil qui se connecte, qui se colle à l'intérieur de votre boîte aux lettres extérieures. Et vous allez attacher le sensor donc à l'intérieur de la porte et de la plupart des boîtes aux lettres standards avec un ruban adhésif à deux côtés. T'as une antenne sans fil qui sort de ça et quand ta boîte aux lettres va être ouverte, ça va envoyer un signal sans fil jusqu'à 300 pieds. Ça c'est 91 mètres jusqu'au récepteur et le récepteur va vous donner une indication visuelle et auditive lorsque la boîte aux lettres sera ouverte. La lumière va rester allumée jusqu'à ce que vous la remettiez à zéro, vous l'éteignez vous-même, vous assurant de vraiment savoir, même si vous n'étiez pas à la maison quand ça a été ouvert, que ça a eu lieu. Donc t'as une petite lumière mail qui s'allume et tu appuies sur le bouton reset pour resetter ça. Quand le système avec le système, vous pouvez éviter les voyages évidemment inutiles à la boîte aux lettres en attendant un paquet par exemple. Vous allez recevoir aussi une alerte si votre boîte aux lettres est ouverte hors des heures de bureau. Donc ça va empêcher le vol de courrier par exemple si les jeunes du quartier ouvrent les boîtes aux lettres et volent des affaires. On parle aussi de journal ou de n'importe quoi d'autre que vous faites. Livré par la poste, des circulaires, c'est donc le Smart Home Select, etc., etc. 300 pieds, c'est-tu vraiment long? 90 mètres, je sais pas. Ben, je me dis, ça peut être pratique si des fois ta boîte aux lettres est au coin de la rue et tu la vois pas de chez vous. Ouais. Des fois, si c'est pas trop loin, mais t'as pas besoin de sortir pour aller voir. Fait qu'en vrai, Colin, j'avais rien. C'est vrai que c'est difficile d'estimer des longues distances. Mettons la longueur d'une courte distance, ça va en pied ou en mètre. Les deux fonctionnent pour moi, mais longue distance, je pourrais pas. Attends, combien elle t'a dit en mètre? 90 mètres, oui. C'est pas long. Ça a pas l'air si long que ça. Non, c'est même pas un dixième de kilomètre. Ouais. C'est pas long. Ensuite, quand vous voulez, mettons, verser quelque chose, par exemple, peut-être du liquide à lave-glace dans votre réceptacle, la liquide à lave-glace dans votre voiture, peut-être des trucs comme ça, liquide dans une autre affaire, et vous voulez pas prendre votre... le mot m'échappe à littéralement chaque entonnoir. Fois qu'on en parle, un entonnoir. Pour vrai, ça et bouclier, je suis pas capable de les sortir, ces mots-là, de ma tête. Bouclier? Je suis pas capable de les sortir. C'est tout le temps sur le bout de la langue, tout le temps à perpétuité. Ah! C'est bizarre, hein? Ouais, mais ben, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Ouais, et même à moi. Et aussi à moi. Bref, blague mal dite. Mais c'est donc un entonnoir, mais flexible. Un peu comme les planches à découper flexibles, qu'on peut facilement verser les ingrédients dans la poêle après ça, sans avoir à tout jeter tous les bords parce que c'est pas flexible, ça. Puis que c'est de la chenoute, en fait, parce que à long terme, ça finit par gondoler. Hein? Puis quand tu veux t'en servir sur une surface plane, fait que, admettons que tu veux hacher de l'ail. Mais là, ça roule ses côtés. Ou... Non, c'est la marde. Ah, OK. Ben, Colin, t'auras pas vraiment t'en faire. Pour une planche. Parce que c'est pas pour une planche, pour verser, mettons, du liquide à lave-glace ou n'importe quel autre liquide, particulièrement dans un garage, donc où tu veux pas te salir les mains, peut-être. Ben oui, non, je m'excuse si t'es garagiste. Non, mais dans ton garage, ouais. Tu veux ne pas faire comme un garagiste. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est un entonnoir flexible, un peu comme ces planches-là. C'est donc fait d'un matériau quelconque. Et tu peux vraiment le placer comme tu veux, faire une forme d'entonnoir et verser liquide directement dans le trou. Et tu peux contrôler, évidemment, étant donné que c'est complètement flexible, la grosseur de l'entrée et de la sortie. Donc, pour 9$ américains, assez bien fait. Comme un petit gadget. Et c'est idéal pour drainer l'huile et d'autres liquides parce qu'il y a un canal à l'épreuve des fuites. peux faire un canal à l'épreuve des flips. Et c'est cool parce que, oui, on pourrait dire, ah, ben là, il faut juste acheter un entonnoir. Ça se peut que l'entrée soit pas accessible avec un entonnoir aussi. Ben ça, c'est quand même long. Tu peux aller d'un, peut-être plus d'un petit recoin. Tu peux même peut-être pas le plier complètement, mais le courber de la façon que tu veux. Ben oui. C'est vraiment très bien fait. Ça se moule à peu près dans la forme que tu veux. C'est épais tout en restant très, très pliable. C'est du caoutchouc de nitril qu'on appelle. Et c'est compatible avec la plupart des liquides de véhicules. Donc, ça va pas faire désintégrer le matériau. Ouais, ouais. Et ça peut aller à des températures jusqu'à moins 30 degrés Celsius jusqu'à 425 degrés. Non, pardon, pas Celsius. Moins 30 degrés à 425 degrés Fahrenheit. C'est comme une longue échelle de température. Voilà. Ça peut être très pratique. Oui. Ça, je trouve ça cool, vraiment. C'est très bien. 9 $ américains ou encore 11 $ canadiens. Ensuite, c'est un réfrigérateur. Tu sais, on combine des choses des fois dans la vie. On fait des mash-ups. Cuisine fusion, on mélange tout ensemble. Ouais. Que dirais-tu d'un réfrigérateur mélangé avec une machine à café Keurig? Oh! Du chaud et du froid mélangés ensemble. Avoue que t'es intrigué. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle aussi. Et c'est General Electric qui nous envoie ce produit-là. Donc, on a vu depuis les dernières décennies des appareils indépendants converger, faire la convergence ensemble, que ce soit, un téléphone, t'as une calculatrice, t'as un paquet d'affaires comme ça, t'as un appareil de jeux vidéo, t'as une caméra numérique, des frigidaires, des réfrigérateurs, tu vas avoir des machines à glace dedans, tu vas avoir des télés intégrées dedans, tu vas avoir peut-être un gadget qui va t'envoyer une liste d'achats aussitôt que tu manques de mayonnaise. Tout est déjà existant. Donc, General Electric qui sort le réfrigérateur Café French Door. Donc, porte à la française et café, hein, on comprend le principe. Ça ressemble à un réfrigérateur normal, mais vient avec une Keurig dans la porte. Vous avez qu'à mettre vos K-Cups dans le réceptacle. Et l'écran LCD tactile va vous présenter les options familières à tous ceux qui ont un Keurig. Une minute plus tard, votre café est fait. C'est un réfrigérateur connecté qui vous permet aussi de choisir les durées d'infusion via une application pour que l'eau puisse être préchauffée quand vous vous réveillez le matin, prêt à faire l'infusion de votre café matinal en un moment. Donc, c'est ça. Mais sauf que je me demande, attends un peu, est-ce que ça enlève le distributeur à glace ou il est à côté? J'espère qu'à côté, c'est un distributeur à glace, là, ce qu'on voit sur l'image là, un petit peu à gauche. Là. Ben, je pense que oui, parce que tu vois sur. Tu vois, mettons, eau chaude, tu vois. Cube, non, tout est là. D'après moi, c'est ça, tout est là. C'est vraiment cool. C'est vraiment un des gadgets les plus cool que je trouve jusqu'à maintenant. Le Café French Door Refrigerator qui coûte 3300 $ américains, 4100 $ canadiens. Ça va être disponible l'automne prochain. Tu sais, j'ai payé mon frigo 500 pièces. Ouais, c'est ça, c'est un méchant investissement pour un réfrigérateur. Hein? Ouais, c'est mais vrai. Quand tu as des sous, c'est pas... Tu sais, je veux dire, il y a des personnes qui vont l'acheter facile 1000, 2000, là, frigo. Double prix, pis t'as ça. Rendu là, si tu le veux vraiment, tu peux te l'offrir, là. C'est exact. Un frigo, tout le monde en a besoin de toute façon, donc tu dois investir là-dedans. Ouais. Voilà. On a parlé souvent de cuillères et de fourchettes et de couteaux qui s'imbriquent les uns dans les autres. On aime beaucoup ça, on est fan de ça. Ils viennent de sortir une édition où la cuillère et la fourchette sont en fait le même outil. Et c'est en aluminium. Donc, pour le camping, par exemple, à la place d'avoir à emboîter vos ustensiles les unes dans les autres, à la place, c'est une seule ustensile. D'un côté, la cuillère, d'un côté, la fourchette. Et c'est super, super beau. Ah. Et vraiment, c'est parfait. C'est le Human Gear Go Bites Uno et Duo. Donc, ils font la version Duo qu'on peut empiler aussi. Donc, le summum de la portabilité. C'est comme on dit. C'est fait sans BPA. C'est en... on appelle ça du BPA-free nylon. C'est une sorte de nylon. Ah. J'aurais jamais deviné. Donc, disponible en deux variantes, comme je l'ai dit. Ça se clipse ensemble. Comme tu as vu, la forme de la fourchette et de la cuillère sont en fait de la même courbure. Donc, tu pourrais empiler plusieurs, même les Uno et les Duo ensemble. Ah. Donc, version juste la fourchette, par-dessus la version fourchette et cuillère. Donc, pour 7,50 $ sur Amazon pour acheter le Duo. Et ça s'en vient là, en fait, ça sort ce mois-ci, en février. Et ça performe mieux selon leur test qu'une spork, qui est la cuillère fourchette pas dure à battre. Parfait. Donc, c'est vraiment cool, ça. C'est beau en plus. Pas trop cher. Je veux dire, si tu veux bien t'équiper pour faire du camping, pourquoi pas? Voilà, bang bang, comme on dit. Bang. Et parlant de bang bang, c'était juste le lien que je voulais faire dans le prochain. C'est subtil, hein? C'était vraiment subtil. Très subtil. Très subtil. Donc, vous êtes à la chasse parce que vous avez amené votre Uno Duo fourchette couteau-cuillère en camping. Là, tu pars à ta place. Tu pars à ta place. Tu veux tirer sa personne qui a volé ta place. C'est ça que tu veux dire? Je sais pas. Je sais pas où je m'en allais. Mais ton lapin a pris. Chevreuil a volé ta place dans la tente. Et Colin. Non, c'est pas vrai. Ta toilette est bloquée à la maison. Mais ah. t'es un vrai chasseur dans l'âme. Tu vas à la toilette de l'université un petit peu partout, puis ils t'annoncent la chasse. Parce qu'apparemment, que c'est une campagne publicitaire qui dure depuis longtemps. Ça. La chasse tire pas. Oh, oh. Donc, tu veux débloquer ta toilette, ici même, à l'université, peut-être. Il te faut le Gun Redneck Plunger, hein? C'est donc un débouche-toilette en forme de gun, de carabine, en fait, pas mal de carabine. Et puis, le slogan est « Bang Bang ». Et t'as des sons qui sont activés par la gâchette de la mitraillette. Oh mon Dieu! C'est-tu cheesy avec un son? Peut-être 12 ans là, pour utiliser ça. À peu près, ou tu sois un redneck. Parce qu'en plus, quand t'es redneck, t'as une bûche de bois à côté de ta toilette pour tenir ton rouleau de papier de toilette. C'est comme clair. Sur la photo. Pis t'as des feuilles d'automne qui traînent à terre. Oui, puis ton mur est peinturé un genre de beige pour aller avec le plancher. C'est super beau, cette salle de bain-là. Allez voir sur assemblagehockey.com. Mais bref, Redneck Plunger qui ressemble à un fusil. Pas un fusil, une carabine. Vous savez ce que je veux dire, qu'il faut charger puis après ça tirer avec la gâchette. Carabine. Voilà. Et en plus, il donne comme phrase cliché « If it's brown, it's down ». Tu sais, comme dans « If it's yellow, let it mellow ». Si c'est jaune, laisse ça là puis flush pas. Tu sais, pour sauver de l'eau, économiser de l'eau. Ouais. Puis si c'est brun, tu le descends. If it's brown, it's down, comme tirer dessus, comme tu vas tomber parce okay. qu'il est mort. C'est un gag wow. de tronc. C'est un gag de tronc. Voilà, donc c'est sur taylorgifts.com qu'on retrouve ça ou encore qu'on ne retrouve pas ça. Parce que j'irai pas. C'est 30$ pour ce gars-là. Ensuite, hey, hein? Hey, il va falloir qu'on arrête éventuellement, là, même si je continuerai toute la journée. On va aller avec un dernier. Ouais. Ça m'intrigue, c'est un pacemaker. Pour vous empêcher de manger trop. On a parlé avec Cindy Gilbert de s'empêcher de manger un petit peu dans la chronique Activez votre santé. Donc, une façon par laquelle les gens qui sont obèses prennent du poids encore plus, c'est qu'ils sont pas capables de résister à leur faim. Donc, si tu as l'impression que ton estomac va se manger lui-même parce que tu as tout le temps faim, une compagnie aux États-Unis vient de développer un appareil qui va se mettre entre toi et ton abdomen, juste à côté de ton estomac. Donc, il y a des électrodes qui vont envoyer des signaux qui vont bloquer dans le fond, le sentiment d'avoir faim, et ça va t'amener à satiété plus rapidement, ce qui va te donner de meilleures habitudes de vie, nous dit-on. C'est un peu comme un pacemaker pour l'estomac. Ouais. Hein? Donc, avant d'aller voir votre docteur pour en demander un, il faut savoir quelques petits détails. Pour commencer, les tests. Dans les tests, les sujets ont seulement perdu environ 8,5% plus de poids que le groupe de contrôle qui ne faisait pas le pacemaker. La Food and Drug Administration a demandé à Enteromedic, la compagnie derrière l'appareil, de conduire une étude sur 5 ans pour déterminer l'efficacité réelle de ce produit-là. Donc, on verra pas ça avant un bout en magasin ou en tout cas chez le médecin. Probablement aussi que votre compagnie d'assurance ne paiera pas pour quelque chose du genre. Donc, si vous voulez l'essayer, vous allez devoir payer vous-même. Ouf. C'est quelque chose, hein? En vrai, je suis pas sûr. J'ai des doutes aussi. En tout cas, merci. Bon. Tout de même. On est de grands sceptiques. Voilà pour Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, les liens sur assemblagerequis.com. On est dû pour une autre pause, ce sera la dernière de l'émission. Au retour, ben Colin, l'émission continue avec plus d'assemblage de qui pour l'instant, ce sera l'Info Campus. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 25 février 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va revenir à une chronique qu'on fait pas très régulièrement, mais qu'on aime faire. C'est les paroles oui. des autres. Ça va être bon tantôt. Mais ça va être une petite pièce de Pretty Reckless qu'on écoute presque jamais. C'est Sweet Things. Vous allez aimer ça, c'est sûr. 80 FM, c'est fou. Oh!

Ils ont battu le seul autre invité nominé de la catégorie, qui est Alfred Lunt. C'est chiant, poche pour lui. C'est vraiment plate. T'es en troisième place derrière deux gagnants. T'sais. Donc, March a gagné pour sa performance dans le film d'horreur Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Frances Marion, écrivaine, a gagné meilleur scénario pour le film. Et Barry a gagné pour The Champ, qui était refait en 1979 avec Ricky Schroeder et John Voight. Barry et March étaient précédemment nominés pour The Big House, ça c'est Barry, Barry et March pour The Royal Family of Broadway. March a gagné un autre Oscar en 1947 pour The Best Years of Our Lives, aussi un gagnant de meilleur film. Et fait intéressant, March était le premier acteur à gagner un Oscar pour un film d'horreur. Intéressant ça. Merci Mental Floss pour ces faits intéressants. 22e Oscar en 1950 pour meilleur documentaire court-métrage. En 1950, les règles avaient changé. Il y avait toujours un ex-écho par contre à cette année-là aux Oscars. A Chance to Live, un film de 18 minutes réalisé par James L. Shute et produit par Richard Roachmint, était à égalité avec un autre, pas à égalité, à ex-écho, là, parce que égalité voudrait dire qu'il y aurait le même nombre de votes. On se comprend là-dessus. Donc un film animé nommé So Much for So Little. Le film de Shute faisait partie de The March of Time par Time Inc. C'était une série des chroniques du Monseigneur John Patrick Carroll Alling, qui installait la Boys Home en Italie, peu importe là. Mais réalisé par Chuck Jones, qu'on connaît pour Bugs Bunny. So Much était un film animé de 10 minutes au sujet de la situation des soins de santé troublés aux États-Unis. Donc il y avait un problème avec ça à ce moment-là, comme toujours j'imagine. Donc les films jouaient contre deux autres films, un film français nommé 1848 sur la Révolution française de 1848 et un film canadien nommé The Rising Tide, donc qui ont perdu les deux. Les 41e Oscars en 1969 pour meilleure actrice. Probablement le plus connu des ex-aequo des Oscars. C'était la deuxième et la dernière fois qu'un prix pour un acteur ou une actrice a été séparé en deux. Lorsque la présentatrice Ingrid Bergman a ouvert l'enveloppe, elle a découvert que c'était une égalité entre Barbara Streisand, une nouvelle aux Oscars, et une gagnante de deux fois, Catherine Hepburn. Les deux ont reçu 3030 votes. Streisand avait 26 ans, à égalité avec la vedette de The Lion in Winter, Catherine Hepburn, qui avait, elle, 61 ans, qui a déjà été nominée 10 fois, incluant l'année précédente pour Guess Who's Coming to Dinner, dans sa longue carrière qui date des années 30. Hepburn n'était pas présente physiquement, on en parlait lundi un petit peu de ce fait-là d'ailleurs, elle était pas présente, donc tout le monde s'est retourné vers la gagnante pour Funny Girl, Barbara Streisand, qui portait disons un habit un petit peu révélateur de sa poitrine, révélateur poitrinesque, comme on dit. Donc elle a dit en recevant son Oscar, elle a dit Hello Gorgeous, qui est une de ses répliques clés dans le film Funny Girl. C'est une petite référence de même, ça. Je savais même pas que Barbara Streisand avait déjà gagné un Oscar. Barbara Streisand. Tu connais la chanson? Ben. Barbara Streisand. Elle est tellement mauvaise. Donc, quelques années auparavant, Babs avait reçu. Ça, c'est le nom de Barbara Streisand, c'est Babs. Babs. Babs avait reçu une nomination au Tony pour avoir joué Fanny Bryce dans le musical sur Broadway Funny Girl. Tony! C'est comme un Oscar bas de gamme. Non, c'est les prix du théâtre, mais oui, j'avoue que le nom est assez baboche. Oh, non, mais c'est parce que quand tu connais pas ça, t'es comme un Tony. Mais au Québec, là, ça s'appellerait genre un Paul. Un Roger puis un Paul, c'est ça. Bref, elle avait pas gagné pour les Tony Awards pour Funny Girl. À ce point-là de sa carrière, elle était gagnante d'un Grammy. Un grand moment. Un prix grand moment. Il devrait faire toutes les catégories genre par rapport au sandwich chez AW, tu sais. Franchement. T'as le teen que tu peux gagner, le grandpa aussi. Bref, Funny Girl était son début dans un film. En 1974, il a été nominé de nouveau pour The Way We Were et elle a gagné en 1977 pour la chanson qu'elle a fait avec Paul Williams, Evergreen, et dans le film A Star Is Born. Et finalement, la gagnante d'Oscar, Catherine Hepburn, a gagné son dernier Oscar en 1982 pour Old Ungolden Pond. On continue avec la liste des ex-aequo aux Oscars. Voilà, on est rendu à la 59e cérémonie en 1987, le meilleur documentaire. Le 30 mars 1987, les Oscars ont fait l'histoire encore avec un autre ex-aequo dans un documentaire, cette fois-ci pour un documentary feature, donc un film complet de la longueur d'un film, mais documentaire. Oprah a présenté le prix à Bridget Berman pour son film qui parlait du clarinettiste Artie Shaw. Le film s'appelle Artie Shaw. Le T-Shaw! Ou encore un artichaut. Ah, aussi. Time is all you've got et... À Down and Out in America, un film sur la pauvreté aux États-Unis dans les années 80. L'ancien gagnant d'un Oscar, Lee Grant, en 1976, elle avait gagné pour meilleure actrice de soutien dans Shampoo. C'est elle qui avait réalisé Down and Out, et puis elle a partagé le prix avec les producteurs Joseph Fury et Milton Justice. Voilà, donc c'est pour les gens qui sont toujours Down and Out in America, qu'elle a dit, donc pendant son discours lorsqu'elle a accepté, pour les gens qui sont toujours pauvres aux États-Unis. Ensuite, la 76e cérémonie en 1995, le meilleur court-métrage avec des humains, donc pas animé. Il y a presque 20 ans, la même année que Tom Hanks qui avait gagné pour Forrest Gump, le court-métrage dans la catégorie des personnes vivantes, des êtres humains. Deux films, une comédie britannique de 23 minutes, Franz Kafka's It's a Wonderful Life, et un film jeunesse LGBTQ, donc gay, etc. Donc Trevor. Le gars qui joue présentement Doctor Who, Peter Capaldi, a écrit et réalisé le premier, Franz Kafka's It's a Wonderful Life, et voilà, et il a écrit et réalisé le premier de ces deux films-là, qui met en vedette Richard E. Grant dans le rôle de Kafka. Le film de BBC Scotland parlait de Kafka pendant qu'il écrivait The Metamorphosis, alors que Trevor est un film dramatique sur un garçon de 13 ans gay qui essaie de se suicider, réalisé par James Leseney, réalisé par Peggy Rashke. Le film a inspiré la création du Trevor Project récemment pour aider les jeunes gays en crise. Voilà. Et finalement, pour terminer, c'est la 85e cérémonie en 2013 pour meilleur sound editing, mixage sonore. C'est récent. Quand même récent. Meilleur mixage sonore, donc le plus récent, Texeco dans les Oscars, c'était seulement il y a 2 ans. Zero Dark Thirty et Skyfall ont battu Argo, Django Unchained et Life of Pi dans la catégorie mixage sonore. Mark Wahlberg et sa co-vedette animée Ted ont présenté le prix à Paul N.J. Otteson de Zero et Per Halberg de Skyfall et Karen Baker Landers. Donc il a dit, ça c'est j'imagine Ted, non c'est Wahlberg qui a dit ça, il a dit no BS, we have a tie, pas de bullshit, il y a vraiment une égalité ici. Donc c'était pas des blagues du tout. Otteson a donné son discours et a accepté le prix en premier. Voilà. Et c'était pas le reste des détails. Ouais, c'est à peu près ça, le reste, c'est vraiment des détails pas importants. Voilà pour la liste des ex-écho dans les Oscars. Voilà. Ah, intéressant. Déjà que je savais pas que ça se pouvait. Ben voilà, on apprend des choses comme toujours. Voilà pour son foutu palmarès, les liens sur assemblagerequis.com. Nous, ça va être la fin d'Assemblage Requis pour une autre édition. Oh. Ça finit sur un coup, là, bang! Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Demain, jeudi, à l'émission, je crois fortement que c'est au tour de Justine Renaud de venir nous revoir. Ah, ça serait le fun. Ça serait le fun, ça. Mais on aura Marie-Laurence Audet, ça c'est confirmé. Ensuite, Laurent Constantin avec le retour lui aussi. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu, Laurent Constantin. Et le poste d'écoute, jeudi. Bien sûr. Voilà. Restez sur nos ondes. À 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, c'est le marathon, le mercredi marathon Mathieu Plante. Donc le Mathieu Plante show et les palmarès 6 fois après l'autre. Mm-hmm. Toujours belle fun. Ensuite, à 18h, Automatique. 19h, Les Audacieuses. Dans quelques instants, à 10h, ce sera cool d'être ensemble. On remercie. Cindy Gilbert. Gilbert, c'est tout, hein? Pas mal ça. Pas mal ça. Merci à toi, Stéphanie Parade. Allez, merci, Mathieu Plante. À demain. Bien sûr. Bye. Mm-hmm. We'll be right back.